êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera des nôtres pour nous faire saler sur des petits bonheurs de l'hiver. David Ferron aura le plaisir de nous présenter de la musique franco avec la langue dans ton oreille. Et on aura aussi du plaisir, mais un autre genre de plaisir avec le segment aux équipes qui s'excitent à Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 13 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oui, ça va pas bien. Hey, il va falloir que je te montre, j'ai une bosse dans le cou. Comment ça, une bosse dans le cou? Je sais pas, c'est atroce. Ça vient de t'arriver, tu t'es levé ce matin avec une bosse dans le cou, comme ben oui, Quasimodo. Ben oui, ça fait super mal. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai ce matin dans le cou? Ça doit être une tension. Puis là, je touche, puis c'est comme une grosse bosse. Ah, ça a l'air le fun, hein? Stéphanie Paradis, réaction? C'est un mot, ça me dit. J'ai peur. Moi, j'écoute peut-être trop de trucs bizarres, là, mais j'ai peur que ce soit une araignée qui t'aille pondu des gens dans le cou. Ah, oh, il y a ça à TV. Ça, c'est... Ou c'est quoi l'autre affaire qui peut sortir du côté du... Un alien? Non, pas un alien. Sur le côté du... c'est comme un genre de bout de peau là, qui peut sortir du... c'est pas... comment, ça a un nom, cette affaire-là. Tout le monde le sait, sauf moi, en ce moment. La peau un incarnée. Kiss. Non, en tout cas, bref. Tu sais, il y a un petit gars avec plein de maquillage qui va sortir et qui va faire comme... Ouais. En tout cas, je te souhaite vraiment que ce soit pas quelque chose de... Ben, j'espère. Tu sais, je pourrais essayer d'appuyer dessus. Il va y avoir du cul partout. Ça va être plein d'araignées. Ben, en tout cas, ça commence bien l'émission. Fait que ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis content, ils ont mis un tapis sur la boîte dehors. Oui, ils savaient plus quoi faire. Hein? Devant le code de la GE, d'habitude, il y avait des boîtes de pizza pour couvrir la boîte parce que c'était impossible de sortir du pavillon en ce moment par cette porte-là. Et les boîtes de pizza ont fusionné avec la boîte? Ils n'ont fait qu'un. Il reste plus rien. C'est dégueulasse. Donc, ils ont sorti le tapis qui était à l'intérieur pour s'essuyer les pieds. Il est maintenant sur la boîte dehors, c'est chic. Ben, c'est mieux, je trouve, quand ça fonctionne, même. Oui. Mais c'est bizarre, le tapis est mou. Tu te sens comme Aladdin. Moi, sir? D'après moi, il y a des gens qui vont disparaître. comment ça va se faire? Puis là, ils vont repopper à quelque part. Cool. Ouais. Hein? C'est ma théorie. Ouais. J'espère que c'est une place où il fait chaud. sinon, ce matin, anecdote, j'ai mangé un bagel. T'as déjeuné? J'ai déjeuné. J'ai pas le choix, il faut que je prenne des pilules anti-inflammatoires. Donc, il faut que je déjeune. Et j'ai mangé, je voulais me mettre du Nutella. On a acheté un pot de Nutella en fin de semaine. J'étais content de t'exciter. J'ouvre ça. Je commence à beurrer ça. Cool. Je me rends compte, moi, c'est un bagel plein goût, cette affaire-là. Oh, c'est pas bon avec du Nutella. C'est bizarre un peu. Mais bon. Ça aurait été meilleur que du fromage à la crème? Probablement, mais ça me fait pas effet du tout, ça, fromage à la crème. Hein. Non, ça te... Ça m'aide pas du tout dans mon... Honnêtement, même pour déjeuner, un bagel plein goût, c'est pas ce qui m'allume le plus. Là. Non, c'est bon. Avec des œufs, c'est bon. Donc voilà pour nos anecdotes du matin. Hein. Oui, c'est bien, on aime ça commencer comme ça. Parlons de l'émission d'aujourd'hui un peu. À 7h30, Stéphanie Paradis, la raison de ta présence est ta chronique Les Petits Bonheurs. Oui, aujourd'hui, c'est mon côté givré. Ah, comparé au côté fibreux. aux deux semaines où tu fais la chronique Zone Campus. Exactement. Voilà. De quoi on parle aujourd'hui? De l'hiver. Ça tombe tellement bien parce que l'hiver se termine, mais il faut endurer le reste parce qu'il va sûrement y avoir une autre bordée de neige. Là. Exactement. On va se croiser les doigts. On souhaite pas cette autre bordée de neige, en tout cas de mon côté. Mais ce matin, on va faire semblant qu'on aime l'hiver et on va essayer de s'en convaincre. Ah ah! Ça va bientôt sentir bizarre en plus. Ah, ça commence. C'est-tu à cause de ta bosse ou? Non! Ok, tu parlais de le DG. Hey, ça commence à sentir bizarre en studio. C'est comme son petit animal de compagnie, sa petite bosse. On va pouvoir la flatter, la mettre en laisse. Ça, c'est cute. Ah, je prends des photos avec. Des selfies. Oui. Donc, j'ai mal au cœur. Les petits bonheurs à 7h30. Oui. Ensuite, à 8h, David Ferron aura la langue dans ton oreille. Il va nous présenter la musique franco comme il le fait toujours. Par contre, aujourd'hui, il nous envoie en première partie de chronique son ancien triplé siamois, Gustave. Oh. Il va nous faire ce qu'il appelle le courrier du tympan. avec Gustave. Et c'est écrit en majuscule, donc il faut le crier. Courrier du tympan! Pour le défoncer. Et voilà. Et voilà. Alors, ça va être très, très bon. Ça, c'était à 8 heures. Pas Gustave, hein, le tympan. Le tympan. Ah, Gustave, je pense qu'il y a besoin de ça pour se faire défoncer. Quoi? Hein? Et à 8h30, pour être défoncé. Kinky Sissy Time. Notre chronique préférée. Kinky. Oh oui. Bon, voilà, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. C'est bien, hein? Merveilleux. Je pense qu'il faut qu'on se trouve. On avait parlé, c'était lundi, Jean-Philippe, et là, j'attendais que Stéphanie soit là. On va essayer de faire la chronique. Ce slogan vous va comme un gant. Ah oh, oui. T'aimes me rendre mal à l'aise. On aime ça. Ah, bosse-y. Commence pas, là. Si t'en sors dessus, t'auras plus de contenu tantôt. T'as raison. Calme-toi. OK. D'accord. Je me contiens. Comme un boss. Comme un quoi? Comme ma boss. Comme ta boss. Je me contiens. Est-ce qu'on peut voir ta boss? Ben oui. Vire-toi de bord. Là. Ben, je pourrais plus parler. Non, je sais. C'est pas grave. T'as rien à dire. Ben. Ah, wow. C'est rouge en plus. C'est comme un peu rose. Rosé. Saumon. Ouais. Corail. C'est corail, oui. Ça, j'ai vu un film où il piquait à cette place-là, puis ouais. Il implantait des sondes, peut-être un GPS, un mouchard. Mais je vois maintenant comme la matrice. Ah, cool. Je sais ce qui s'en vient. J'aurais pu prédire, en fait, ce qui s'en venait à l'émission. Un petit détail que tu as omis en début. Ben oui, je tu sais, je suis un gars mystérieux. C'est ça, il garde des choses pour plus tard, comme les slogans. T'étales ton contenu. Oui, c'est ça. Parce que moins t'en as, plus faut-tu l'étendre. Sur un bagel plein goût, c'est ça. Ouais. Mais celle-là, elle va faire un tabac, je le sais. J'ai vu le futur. Cool. Je check mon bel slogan. Ouais. Comment ça fait quand le tapis aspire quelqu'un déjà? J'ai une grosse slush. Yeah. Beetle Lizzy Bird, bon, c'était à son adresse. Beatles ou T-Bird de Mauve. Ouais. De leur dernier album. C'est ta boss qui te fait parler de même, hein? Ouais. Aujourd'hui, sache que tu peux tout blâmer. Je sur peux ta tout boss. Faire. C'est génial. Comme naturellement avec les trucs sur la tête là, qui pensent pour toi, là, que tu deviens fou. Mm. Je vais demander à la petite madame du loto d'Auto-Québec. Je vais faire donne-moi un billet gagné. Puis là, tu sais, je vais avoir des arguments à ce moment-là. Ah, OK. Ben, bonne chance. Hein? Merci. Bonne chance. Ouais, c'est ma boss. Là. Oh. Et si tu gagnes à la loterie, Jean-Philippe, qu'est-ce que t'achèterais, mettons, si t'avais le choix? Là? Ouais, mettons. Mmh, un café pour tout le monde. C'est un peu cheap. Un café Baileys. Oh! Yeah! Oui, ça existe, mais ça devrait pas, là. Le luxe. Le luxe. C'est la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, là où on peut dépenser tout son argent durement mérité, là, à la chaleur du travail qui a fait que ça a fait une bosse dans le cou de Jean-Philippe. Oui, je pourrais y acheter un petit tricot. Oui, l'envelopper, la douilletter. Un tricot en or. Ah, game de dessiner des yeux. Je pourrais me faire tatouer deux yeux. Tu sais, si c'est permanent, ils font comme, ah, oh, tu vas voir ça à vie. Mais je vais me faire tatouer quelque chose de vraiment à kitsch. Là. Imagine si tu deviens le bossu, vraiment. Ouais, peut-être. Je vais avoir une chronique, genre à minuit ici. Oui. Comme ça, personne va me voir. Des émissions de métal. Ah, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est la chronique où on achète des choses inutiles. Et commençons par, ah, ben moi, je trouve pas ça si inutile que ça. Là. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années de ça, il y avait même, là, quelques mois, je pense que c'est assez récent, il y avait des oreilles qu'on pouvait acheter, on se mettait ça sur la tête et ça apprenait, il y avait un truc qui allait sur ton front et ça regardait les ondes dans ton cerveau puis ça faisait bouger les oreilles par rapport à tes émotions. Oh, bon. Maintenant, il y en a un pour la queue. Hein, mais pas exactement la même chose, mais proche, tu sais, quand un chien est excité, c'est belle fun, mais toi, maintenant, quand tu t'excites, tu vas pouvoir te faire aller la queue en arrière. Oh, OK. Précisons, en arrière. Donc, Shota Ishiwatari a inventé le Taily, qui est une queue, donc, qui va se faire aller quand t'es excité. Il y a un sensor qui va regarder, dans le fond, à la place de regarder ton cerveau, ça regarde ton battement de cœur. Et plus ton cœur bat, plus la queue va bouger rapidement, etc., etc. Il a essayé de ramasser des fonds sur Indiegogo comme un peu un Kickstarter, mais il n'a pas réussi à se rendre jusqu'à 50 000 $ qui était son but. Donc, il va falloir attendre encore plus longtemps avant de l'acheter. Mais... Oh! C'est plate, hein? Triste, t'en aurais voulu deux. Hein? Oui, vraiment, ça file d'attente déjà. Tu préfères comme Tails dans Sonic. Tu sais, Tails, il y a deux queues en arrière. Hein? C'est ça? Oui. Puis il vole avec ça. Non? Personne Sonic? Tails, non? Oui, oui. Tu peux aussi t'essayer avec les auditions du 281. Ouais, mais son poilu, celle-là, c'est un peu moins effrayant. Je suis sûr qu'il y a un public pour ça. C'est sûr. Malheureusement. Ensuite, vous connaissez les petits verres rouges, là? Tu sais, les petits verres rouges que dans des parties, souvent, on va boire de la bière ou de la vodka dans des petits verres rouges. C'est le magasin à 1$. Exactement. Eh bien, la compagnie qui fabrique ça, Red Cup Living, parce qu'il y a vraiment Red Cup, verre rouge, là. Red Cup Living, c'est le nom de la compagnie. Ils veulent changer les choses. À la place d'avoir juste des petits verres à bière, il va y avoir une variété. Hein, c'est le fun, hein? Donc, une coupe à vin de 14 onces, une coupe de margarita à 15 onces, cocktail 12 onces et un shooter. Aussi, vous pouvez voir les variétés sur la photo sur assemblagerequis.com. Mais je pense que ça commence déjà à Trois-Rivières. Le phénomène est répandu. Déjà, ben non. Pour vrai, c'est même plus à l'avant-garde, moi, là. Mettons, dans un centre d'épicerie proche de chez vous, à trois lettres, là, il y en a des jaunes. Oh. Et puis, il y en a que tu t'enlèves un petit scratch. Puis là, tu peux écrire ton nom. Comme ça, tu réutilises ton petit verre rouge. C'est cool. C'est vraiment cool. Mais est-ce qu'il y en a pour les margaritas? Y a-t-il ça pour les margaritas? Mathieu Plante. Parce que moi, gâcher ça, moi, j'ai des margaritas. Ça va en fait 4 et 10 $. C'est en plastique ABS, donc réutilisable et parfait pour le lave-vaisselle. Moi, je savais pas que ça se lavait au lave-vaisselle. Ah, ouais? Bar-là. Mais ceux de la compagnie Red Cup Living, là, ceux de chez Dollarama, pas sûr qu'ils vont aller au lave-vaisselle. Ils sont vraiment beaux. Cute, hein? Ça fait très Noël, je trouve. Moi, chez nous, il y a des vis dedans, mais en tout cas. Si tu t'en sers pour mettre tes vis, c'est ça? Oui. Un peu comme si tu sors d'un bac à bière pour mettre tes crayons dans ton bureau. Je te juge pas, là! C'était là quand je suis arrivé. Yeah, tu pourrais très bien changer. Et... T'as l'air d'une soulante. Ah oui, oui, mais il y a d'autres indices aussi. Comme l'eau dans l'alcool dans ton haleine. Non, ça, c'est mon rince-bouche. Ah, d'accord. Est-ce que t'as déjà voulu, Stéphanie, te manger toi-même? Maman, je passe au prochain. Jean-Philippe. Maintenant, vous pouvez. Donc, c'est vraiment une façon de faire... En fait, c'est les innovateurs d'une compagnie du Japon qui s'appelle Fab Café et White Day se sont associés pour faire des gummy bears. en ta propre personne avec une technologie de scannage 3D. Donc, tu scannes ton corps avec un scanner full body. Il crée un moule et ensuite, tu fabriques un bonhomme de gélatine. Et c'est disponible seulement au Japon. C'est vraiment cool. Ça pourrait être une bonne vengeance pour les ours qui pourraient manger des gommis human. C'est vrai. Mais tu sais, les gros gommis, là, t'as vu les gros gommis qui mesurent genre, je sais pas si c'est un pied de haut, là? Il y en a, ça, tu peux acheter ça, c'est comme 50$ sur Internet, tu peux choisir ça, ta couleur. Ça se mange, là? Ça se mange. Et ça doit probablement te donner mal au cœur. Oui, ça ressort en forme de quoi, ça, non? Tu réussis à resculpter un ours, quand même. Oh. J'en mange pas plus qu'un. Est-ce que ta bosse est faite en gommis? Tu veux-tu écouter? Je vais demander à David tantôt. Oui. La langue sur la bosse. Oui, c'est ça. Ensuite, tu sais, des fois, quand tu descends chez toi, mettons, pour aller aux toilettes la nuit, ben tu descends, moi j'ai deux étages. Mettons, tu passes d'une pièce à l'autre. Il est bien fendant. Tellement, oui. On dirait un français. Donc, tu sors de... Donc, tu sors de d'une pièce chez toi, tu t'en vas aux toilettes, et là, tu as l'impression de voir une personne. Tu sais, des fois, ça peut t'arriver, tu as l'impression de voir quelqu'un parce que tu as peur des voleurs, quelque chose comme ça. Je sais que Steph est bien un peu heureux. Oui, je suis bien, mon monde. C'est ça. Effectivement. Pour ça, l'alcool, d'ailleurs. Hein? Pour oublier que j'ai pour peur. Oublier, exactement. Donc, ici, tu vas pouvoir vraiment te créer une très grande peur parce que c'est une lampe en forme de femme ou d'être humain. Hein, ça dépend. Hein, tu peux l'avoir, j'imagine, en format homme. Mais à la place de la tête, c'est un abat-jour, exactement. Ça fait peur, là, c'est par Hal Hamad Design. C'est des lampes qui s'appellent Ambarakia. Et puis, c'est fait pour faire peur ou encore faire cute, dépendant de vos goûts. Là, mais moi, j'aime pas ça. Moi, c'est clair que ça fait pas une nuit, puis je l'ai détruit. Là. Avec une batte de baseball? Ah, oui. Ouais. C'est un modèle assis aussi sur un banc. Là, c'est... Pas sûr. Hein? Ah. Pas sûr. Ah, tiens, t'as envie d'une collation? T'aimerais bien manger une petite biscotte? Hein? Mais, je sais même pas où je m'en vais. Comment je pourrais t'as bien expliquer ça? T'as pas de couteau. Mettons, t'as pas de couteau et t'es très, très grand fan de, t'es un très grand fan de ton iPhone et tu veux pouvoir te donner faim pour le dîner qui s'en vient plus tard parce que t'as pas faim. Mais là, tu vas pouvoir regarder ton téléphone parce que c'est un skin pour l'iPhone, mais en forme de petite biscotte. Ah! Mais en fait, il est comme le look d'une petite biscotte. Puis de la forme d'une biscotte, ça se mange pas parce que c'est un case à iPhone. Là. Mais donc, ça pourrait t'ouvrir l'appétit peut-être. Hein? Je sais pas, c'est le Matza iPhone Case. C'est une affaire super juive, là, les Matza. Donc, c'est les gens mangent ça avec du. Tu sais, l'affaire là, au réfort. Là. C'est dégueulasse le réfort. Aucune personne aime le réfort. C'est l'affaire qui te rentre dans le nez quand t'en manges. C'est comme une genre de moutarde super forte. Oui, du réfort, radis. Oui. Horseradish. Bref, c'est super cachère. Là. C'est pour les juifs. Ce case pour iPhone, là, c'est dit. Moi, ouais. Je pensais que t'allais dire, tu sais, vous avez faim, c'est l'heure du dîner. Je pensais que t'allais dire juste d'ouvrir Instagram puis regarder les gens qui posent des trucs de oui, hein? Il y a que ça là-dessus. C'est beaucoup trop à la mode. Je ne comprends pas. Mais j'ai arrêté d'aller sur Pinterest parce que j'étais abonné à beaucoup trop de trucs de dessert. Oui. À chaque fois que j'allais là, j'avais juste le goût de manger. Et... non, donc. Des cupcakes! Non, c'est pas ce qui était le plus. C'est juste beau, c'est pas appétissant, je trouve. Les cupcakes? Non. Ah, OK. Ben, moi, c'est mes préférés, mes prefs. C'est bon. Tes prefs. Mes prefs. Toujours dans le domaine des cases pour iPhone. Celui-là, c'est vraiment bien. Tu sais, toi, Jean-Philippe, je sais que t'as des écouteurs de Dr. Dre, le Beats. Ouais. Ça vient avec ton ordinateur. T'as pas acheté ça parce que t'es un fan de Dr. Dre. Merci. Hein? J'ai-tu pilé dessus, mais j'avais raison. Ah, oui, oui, oui. Ton fil est apparemment très, très long, comme on dit. Ouais, c'est pas la longueur du fil qui compte. C'est la largeur. C'est la qualité de ce qui en sort. Donc, c'est fait pour les joueurs de basket de 7 pieds et 2, je pense, ces fils-là. C'est un long fil. Très, très long. Donc, ton case pour iPhone, tu peux le faire imprimer. C'est le Chisel iPhone Dock. Tu sais, avec les imprimantes 3D, tu peux tout faire imprimer. Donc, c'est le Cordy, le nom de ce case-là, avec des petits trous à l'intérieur. Tu sais, des petits trous avec des snaps un peu, mm-hmm. pour que tu puisses passer ton fil dedans. C'est très beau. Oh. Très joli. Et là, tu passerais ton fil de 7 pieds 2, je sais pas quoi, là-dedans, et tu aurais un fil plus court qui se rendrait jusqu'à l'entrejambe. Mm-hmm. Sinon, je peux le couper aussi. Oui, pas sûr que le son va continuer de sortir. C'est comme tu veux. Mais je pense que j'avais un fil plus long qui venait avec, exprès. Aïe, aïe. Parce que j'ai des fils qui traînent chez nous. C'est pour faire jouer de la musique en dedans et être sur le bord de la piscine. Ben oui. Tes écouteurs sont là. Pourquoi pas. Comme ça, si j'ai soif, je peux sortir du studio. Et voilà. Et boire une petite gorgée d'eau. Tout en continuant à t'écouter. Malade. Donc, ça coûte environ 50$ pour le faire imprimer. Vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerequis.com. Ça, je trouve ça génial. C'est pour les gens qui aimeraient avoir une façon d'utiliser sa souris sans utiliser une souris. En fait, c'est un peu sur le principe du mouvement, un peu à la Kinect, mais à la place, c'est un gadget que tu t'insères sur le doigt. Donc, c'est Nick Mastandrea qui a pris cette idée-là de contrôler sa souris avec un mouvement du doigt, qui a créé le Maestro, qui est une souris 3D qui permet à la personne qui le porte de contrôler son ordinateur avec des gestes de la main. C'est des fonctions de base qui sont utilisées. Il y a un panneau touch sensitive, là, donc que tu peux toucher. T'es supposé toucher ça pour initier le mouvement du curseur. Ça se connecte à ton ordi par Bluetooth. Ça peut se rendre jusqu'à 30 pieds. Et si vous regardez la vidéo, c'est que tu tiens ton truc qui est blanc, qui va sur ton doigt, avec une petite pochette, une petite bosse, pareil comme ton cou. Non, mais sur le doigt. Et tu tiens ça, et là, tu peux commencer à bouger ton doigt dans les airs, et ça fait bouger ta souris, puis tu peux cliquer sur le côté. Est-ce que c'est assez précis pour jouer au démineur? Oh! Tout est fancy, là! T'en demandes pas mal. C'est je sais pas peut-être. Pourquoi je reviens dans le passé de même avec des mineurs. C'est vraiment un jeu... Est-ce que tu joues encore aux des mineurs? Je pense pas avoir joué à ça depuis l'âge de Windows 3.1. Là. 95. Ça existe encore? Ça vient-tu de base encore avec Windows? Je pense que oui. Oui. Ah! Ouais, hein? Free Cell, puis... Ben oui, je joue à ça. J'ai un ami qui était très bon. Il est en train de jouer depuis le début de la chronique. Oui. Quoi? Une bombe! Maestro qui est très léger et se recharge par port USB. C'est une souris 3D présentement en train de ramasser des fonds sur Kickstarter avec un pledge minimum de 79$. Et s'ils se rendent à leur but, etc., ça pourrait fonctionner. Présentement, ils ont le double de leur but. Sur 100 000$, ils ont 246 155. Il reste encore 16 jours, donc vraiment, d'après moi, ça devrait fonctionner. J'imagine qu'on va voir ça sur le marché bientôt. Et je trouve ça vraiment le fun. Donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, quelques petits gadgets rapidement. Si vous voulez vous réveiller le matin, des fois, c'est difficile quand t'as pas un objectif ou une raison de te lever. Par exemple, mettons, manger du bacon. Par exemple, écouter Assemblage Requis. Aussi, en mangeant du bacon. Mm-hmm. C'est ça, parce que c'est comme Assemblage Requis, le bacon de votre radio. Oui, slogan. C'est ben là c'est parce que le bacon tu dirais oh j'en mange pas tous les jours mais c'est bon. C'est ça, ben les gens écoutent une fois par semaine peut-être, ouais. Ouais. Non. C'est du bacon 50% moins de gras. Ah, du bacon de poulet ou de dinde là. Comme ça tu peux en manger. Tu peux, fait qu'il y a moins de goût. Ah, c'est là c'est sec un peu, hein. Ça plie pas bien même. On oublie le bacon. On laisse faire le bacon. Donc le cadran devant moi est un cadran bacon. Donc c'est vraiment un cadran. Tout ce que de plus, j'ai jamais vu un cadran aussi cheap que ça. Sur la photo, c'est cheap à mort. Mais dessus. T'as un morceau de bacon avec des pieds, des mains, des gros yeux, puis il se dandine le matin. Shaking bacon. Il est beau. Tu sais? J'ai envie de te faire un câlin. Oh! J'aurais pas le goût de le snoozer, là. Non. Il est beaucoup trop sympathique. Oh! Puis là, c'est là que tu te rends compte qu'il te distribue en même temps des petites gommes qui goûtent le bacon. Ah, yark! Puis là, il est comme là, tu as une haleine du matin, c'est pas grave. T'as bu de l'alcool toute la nuit, Stéphanie Paradis? Ben oui, c'est pour me donner courage pour aller au petit coin, étant donné qu'il fait noir, pour que je me saoule dans mon lit avant. Puis pouvoir battre ta lampe humaine avec un abat-jour sur la tête. Finalement, c'est la coloc. Donc, 19,26$ sur Amazon pour le Shaken Bacon Big Mouth Toys. Voilà l'alarme. Sinon, mon préféré, je pense, ce matin, j'en veux deux. C'est une couverture, tu sais, un jeté que tu mets sur le divan pour te réchauffer les petits pieds après une dure journée au travail. Sauf que l'autre côté, c'est un chamois pour laver, c'est genre le microfibre pour laver ton iPad. Tu sais, donc ta couverte a un côté pour laver ton iPad. Tout le côté au complet, là, c'est une microfibre. Ça s'appelle BB Tech Screen Cleaning Throw Blanket. Ça coûte 32$. C'est magnifique. J'ai une question. Vas-y donc. Hein? Mettons, là, t'es couvert sur ta... Mais tu sais, t'as une grosse journée, t'es sur ton divan. Ouais. Le truc pour laver l'iPad, il est du côté vers le haut, comme toi? C'est toi qui décides. Est-ce que tu veux te faire toucher par le côté iPad ou toucher par le côté jeté? Oh. C'est le fun. Et t'as deux couleurs. En plus de cette couleur, t'as Smoke... J'imagine que ce genre de noir grisâtre ou gris noirâtre. Ou sable cubain. Beige. Beige. Smoke. Smoke. Je sais pas si c'est mur jaune, là, tu sais, quand ouais, c'est mur blanc, mais que tu fumes, là. Oh, avec une studio. Trace de cadre. T'as beau le laver, il sent toujours un peu, tu sais. Oui, savez-vous s'abonner. Ouais. C'est qui chantait ça, là? L'autre, là. Ensuite, c'est Q. C'est une perruque. Avec une corne de licorne attachée après. Donc, tu peux te promener comme ça. Je sais pas si pour l'Halloween ou n'importe quand ailleurs. Ou, mettons, quelqu'un s'est fait raser pour le camp, quelque chose comme ça. Ou pour un fantasme. Ou pour un... Ben oui. Qui n'a pas rêvé de se faire raser une corne. Hein? Donc, tu portes ça sur ta tête. T'as la corne dorée, torsadée à l'avant. pour les gens qui aiment peut-être My Little Pony ou les furries, là, tu sais, les gens qui les furries, là, c'est bien le fun. Donc, c'est une vendeuse sur Etsy. Gamecat, ben, j'y vendeuse, on sait pas. Hein. Gamecat, ça peut être pas mal n'importe qui, mais bon. Disons que ce qui m'est venu en tête en premier, t'es une fille. Et t'as d'autres modèles, t'as mauve avec une petite mèche rose. Et une corne mauve pâle, t'as une perruque rose qui est vraiment, ma foi, assez sexy. Et une corne blanche et un paquet d'autres modèles. Oh, Colin! En fait, il y a vraiment beaucoup de modèles. Execute! Execute! Ben voyons. Execute! Execute! Trouve ça cute! Vous trouvez pas ça cute? Ben, moi, j'ai hâte de voir la première personne qui va être assez téméraire pour rentrer avec ça à l'université. Moi, présentement, il regarde ça et je pense qu'il imagine plus sa blonde porter ça. Là. C'est ça. Non, mais Jean-Philippe, tu peux pas me juger, t'as une bosse dans le cou. C'est vrai. Fait que tu vas pouvoir me la péter avec ta corne. Oh! Faut pas le dire, je vais partir avant. On sait pas, il y a peut-être plein d'arc-en-ciel qui vont sortir de là. Des bonbons, des oui, plein de bonbons. Oui. Des bonbons. ensuite, OK, on change complètement de sujet. C'est des petits post-it, en fait, qui ressemblent à des messages d'erreur dans Windows XP. Si, mettons, tu veux dire que ton coup est hors service à cause de ta boss, hein? Tu pourrais te coller le post-it dessus, il y a un message d'erreur, t'sais. Ça ou, fait-tu... Tu sais, comme le bruit... Peut-être. Bon, tu le fasses toi-même, je pense. Mais il y a plusieurs messages disponibles. Ben, en fait, c'est toi qui l'écris à la main, si je comprends bien, mais plusieurs sortes de boutons et d'icônes disponibles, X, un point d'exclamation dans un petit panneau. Et là, tu peux marquer, mettons, est-ce que tu m'aimes, oui ou non, ou tu sais, réunion à 18h à tel endroit, OK. Donc, c'est ça. C'est cool. 5$ pour un emballage de je ne sais combien de papier. Si on, sur le site collectdesign.co.kr. Et puis, tout ça. C'est pas écrit, il y en a combien. Mais c'est le fun. Mais moi, j'en veux. Moi, c'est beau. On se cotille. Moi. Ouais. Ensuite, tu sais, vous vous rappelez, c'était dans The Big Bang Theory qu'on avait Roche, Papier, Ciseaux, Spock. Oui. Voilà. Et Lézard, je pense qu'il y avait aussi quelque part là-dedans. Donc, c'est des dés de ce côté-ci. C'est un sac, une petite pochette de genre velours. Et à l'intérieur, t'as des dés de différentes couleurs, mauve, vert, bleu, rouge. Et t'as de chaque côté une icône. Donc, Roche, Papier, Ciseaux, Lézard, Spock. Et vous pouvez faire pareil comme dans The Big Bang Theory et jouer à ça. C'est-tu pas merveilleux? C'est cool! 20$, pas cher. Oui, c'est cher. C'est des dés. Il y en a 5 et une poche en vélo. T'aimerais-tu ça, une poche en vélo? Jean-Philippe? C'est mon plus grand rêve. T'as vu comment les gens ont l'air heureux de jouer? Oui, bazinga! Bazinga! Est-ce qu'il nous en reste encore quelques-uns? OK, il nous en reste... on va y aller avec celui-là. Tiens, une robe qui se transforme elle-même en tirant sur le collet, sur le col de la robe. Donc, c'est une robe transformatrice, si on veut. Le designer est Hussein Chalayan, qui développe des articles de mode qui se transforment comme ça depuis 2007. Et puis, c'est ça, celui-là, c'est dans le fond, c'est une robe qui est comme, je sais pas c'est quoi, avec des genres de petits trucs gris. Et puis, elle tire sur le collet et tombe une robe noire, un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu dans Du temps à revendre, hein? Ou les émissions comme ça sur YouTube, on les trouve aussi. C'est des quick changing, quick clothing. Ben moi, je connais Arturo Brachetti. Exactement. Exactement. Il est bon, hein? Ah, il est bon, certain. Il est très drôle, en plus. Mais là, on a juste comme un changement. Ouais, un changement moins impressionnant. Oui. Mais bref, donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils réussissent à accomplir leur numéro. C'est pour ceux qui n'ont pas vu, c'est bon, sont deux, il y en a ben, souvent, des fois ils sont tout seuls comme Arturo Brachetti. Et là, ils montent un genre de tissu devant, puis là, une seconde plus tard, la personne est changée derrière, puis ça continue, puis ils s'emballent dans le tissu, puis c'est vraiment impressionnant. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils le font, et ça existe, et voilà, ça existe. Hein? Ça devrait peut-être pas, mais on l'a. Voilà. D'où le nom de la chronique. Et on termine avec celui dont on a déjà parlé dans la chambre de Ricky, tu m'as dit de le réutiliser dans Ça existe. Oui, je te trouve trop bien. C'était les Teenage Mutant Ninja Turtles, Chia Pet. Parce que dans le temps, quand on était jeune, les Chia Pet, tu te rappelles de ça, Stéphanie? Hein? Moi, je ne connais pas les... Tu connais pas? Non, c'est quoi Chia ça? Chia Pet! Tu avais plein de petites figurines où tu mettais plein de graines dans la partie où c'était fait pour ça. Puis t'arrosais ça. Un milieu chaud et humide? Oui. T'arrosais ça, puis là, il y avait de la petite pousse, là, comme oui. Du gazon. Ça poussait. Puis là, ça devenait un petit quelque chose, là, comme, mettons, c'était une... des cheveux. Un afro, là. Ouais. Dans le fond, c'est une affaire de porcelaine avec de la terre dedans. Et puis quand tu arrosais, ça faisait sortir ces cheveux-là. Bref, c'est la même chose, mais pour un Teenage Mutant Ninja Turtles, et tu fais pousser sa coquille. Ah ben, c'est cool, j'en veux un. Je pense qu'on est trop emballé, Mathieu, par cet item. Ben, ça a fait notre jeunesse, les Chia Pet. Et là, Stéphanie connaît pas ça parce qu'elle est si jeune. Ben là, je suis pas plus vieille que lui. Quel âge vous avez? On parie? Quel âge tu me donnes? Je sais pas. 43. Non, c'est pour ça que j'ai une bosse. C'est une autre émission du matin. Pam, pam, pam, pam. Donc voilà pour les Chia Pet des Teenage Mutant Ninja Turtles, disponibles chez un paquet de magasins de jouets et en ligne. Donc retrouvez ça sur assemblagerequis.com et c'était la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas nécessairement. Et on l'a. Eh hey Mathieu, c'est ta fête bientôt. Merci. Je pourrais t'en acheter un pour dans ton bureau. N'importe quoi sauf ça, mais oui. Non, ce serait beau. Ce serait une bonne idée, j'en profiterais moi aussi. Oui. Puis on pourrait mettre de l'herbe à chat. Mais tu sais, comme de l'herbe mange. De la luzerne. De la luzerne. Wow. Bon, laissons faire ça. Ben, c'est super ça. Bref, j'ai 26 ans. Cool. Et Steph? Ah, 25. Gagne. J'ai gagné. Presque 30, c'est ça que tu veux me dire, hein? C'est ça, là? T'as gagné, tu vas mourir avant? Ah, on sait pas. Wow. C'est sûr que oui. J'ai une bosse. Et voilà. C'est signe de quoi, ça, la bosse? Sagesse. Bon. Voici le trouver à la porte. Young Rival et Two Reasons. Retour les joies non existantes de l'hiver, je meurs de voir ça. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage Rocky est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h38, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Mathieu Plante aussi. Sont bons les retours de pub, hein? Ouais. Yeah! Stéphanie Paradis. Il y a un dissonateur. Allô? Wow! Mais pourquoi qu'il y a... Subtilement, je vais partir chercher le 10 cents. Attention à ta bosse. Oui. Quand tu te parles vraiment. Running gag! C'était Fanny Paradis qui vient d'arriver. Voici sa chronique, Les petits bonheurs. Le bonheur est à la portée de tous. Mais rien ne dit dans la housse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous. Même les moches, même les rousses. Oh! Moi, je suis russe. Que tu ne sois qu'un loser. Sans Rolex, ça tombera. L'important, c'est ton bras. Qu'à peur que tu ne sois pas cet acteur. Banquier, bol de cinéma. Le bonheur, c'est... c'est pas ça. Bon matin, Stéphanie Paradis. Bon matin, Mathieu Plante. Yay, c'est les petits bonheurs. Woohoo! Le côté givré du mini-wheat. Hier, on est allé chercher sur les Weetabix, là. C'est dégueulasse. Les Weetabix. Les gros wheat. C'est comme une brique de mini-wheat, là. Tu manges ça avec mais du lait. Mais c'est pas des mini, c'est comme... Des c'est comme des gros wheat. Biggie wheat. Des big wheat. Big wheat. C'est vraiment dégueulasse. Puis là, ils font comme des designs sur leur boîte, genre « Super bon, chaud, essayez-moi chaud avec du miel, des fruits, cachez toute la saveur. » Tu t'en as deux dans ton bol. Tu le coupes au couteau. Ah, des céréales. Oh! Dégueulasse. Comme, ce matin, qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé un gros céréal. Donc, la raison qu'on parle de ça, c'est parce que Stéphanie est aux deux semaines avec les petits bonheurs et les autres deux semaines en alternance qu'on n'a pas trouvé le mot de qu'est-ce que c'est, le mot pour dire la semaine entre les deux. La semaine plate, c'est la chronique Zone Campus. non, pas plate. Non, givré. Fibreux. On a déterminé le mot fibreux. Oui, parce que c'est ça. Il y a moins de plaisir en bouche. Et voilà. C'est plus sec dans le gorgoton. Donc aujourd'hui, c'est le côté divertissant. Et les petits ballons, on parle des joies de l'hiver qui est presque terminé. Mais en tout cas, j'espère que ça va être divertissant. Là. Donc aujourd'hui. Ah, c'est pas du slogan d'une île quelconque, ça, Trois-Rivières? L'île Saint-Quentin. Ah, pour de vrai? Une île divertissante. Ah, c'est vrai. Je retire ces paroles-là. Fake. Donc, je sais, ça semble difficile à croire, mais l'hiver peut parfois être un événement heureux. La semaine de relâche est terminée, donc tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre l'été avec vraiment beaucoup, un peu trop d'impatience. Donc, pour nous aider à tenir le coup d'ici là, on va essayer de se convaincre que l'hiver, c'est plein de joie et de bonheur. Difficile. Donc, on va commencer avec une évidence, les sports d'hiver. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression que ça touche pas vraiment Mathieu. Ça se passe tout dehors, ça? Généralement, oui. Donc, c'est pas pour moi. Donc... Bien entendu, on peut pas profiter de certains sports si ce n'est que durant la saison hivernale. Donc, la raquette, le ski, le patin à glace, le crazy carpet et la confection de bonhommes de neige sont des plaisirs de la vie. Crazy carpet, c'est ce qu'ils ont installé devant les bureaux de la GE pour qu'on puisse marcher sur la boîte. Hein? Ah, une chance que c'est pas dans la même texture parce que les pieds nous partiraient finalement. C'est pas juste les pieds qu'on aurait dans la boîte. Donc, sincèrement, quel moment enivrant que de descendre une pente enneigée à toute allure sur un crazy carpet ou un trois-ski. Jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'on a une emprise minable sur notre bolide, qu'on prenne mal un virage, qu'on pique dans neige follette et qu'on manque de peu de se casser le nez sur un arbre, de préférence un érable. Oh, c'est plus mou? C'est plus dur. C'est ça, c'est plus sucré. Tant que... Non, ben moi, en fait, je me rappelle mes souvenirs à l'érablière dans ma famille. Tes grands-parents ont une érablière. Exactement. Donc, je me souviens, j'ai effectivement manqué un virage et j'ai vraiment fait une culbute, tu sais, par en avant, comme on faisait à la petite école. Puis, je suis vraiment arrivée les jambes de chaque côté de l'érable et vraiment, j'ai eu le nez qui m'a frôlé. J'ai eu des écharpes dans le nez. Ah, pour vrai, là, je me pensais dans les petits bonhommes, les petits cartoons. Ah, pauvre érable. Oui, pauvre érable. Moi, j'aurais pu le froisser. Ce serait bien plus simple si des érablières, à la place d'être des arbres, ce serait des gros bâtons comme pour mettre la tire. Des gros bâtons. À la place, tu pourrais juste foncer dedans. C'est pas pire. Tu devrais penser à ça. Des gros bâtons. Ben oui, tout couper les arbres, puis les tailler. Pis... En tranches. Comme un Weetabix. En tout cas. Sinon, il y a la raquette ou simplement la marche en forêt. Et on peut apprécier la douce mélodie du craquement de la neige sous nos pieds. Oh. C'est beau, hein? Tu peux y aller comme en sifflant. Oh. Quand tu marches dans le bois. Oh. Puis là, j'arrive de nulle part avec ma guitare. Que je viens de me gosser dans l'érable. Mais ça doit être effrayant pour vrai un bossu qui arrive dans le bois avec ma guitare pendant que tu prends ta marche. Salut! Salut! Je ne suis pas une lampe. Oui, oui. Callback and black, ensuite... ça veut pas dire que les gens l'ont entendu, mais on apprécie, nous. Ben moi, je l'apprécie. Ouais, vraiment. Le chauffage au bois. Hein? Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui a eu la chance de connaître le chauffage au bois. Puis là, je parle pas des foyers, mais bien des poêles à bois, tu sais, le gros truc en métal. Mm-hmm. Oui. Donc, l'odeur du bois de chauffage, c'est agréable. Taponner dans les bûches avec le tisonnier pour avoir l'air de savoir ce qu'on fait. C'est le fun. Le crépitement du feu, se tenir proche et avoir la moitié du visage qui brûle puis l'autre qui gèle. Comme dans Batman. Two-Face. Mm-hmm. Ouais. Hein? Bon, hein, on peut faire du cosplay avec un poêle à bois. Avec un poêle à bois. Donc, c'est quelque chose de très réconfortant, mais seulement quand il fait froid, donc en l'occurrence l'hiver, parce que l'été, se tenir près d'un poêle à bois allumé, c'est franchement agressant. Oui. Ouais. Donc, l'hiver, c'est l'hiver. L'été. L'été. Les tempêtes. Mais là, je parle les vraies tempêtes, celles où on va pas à l'école ou au bureau. Hein, ça se dit mal? À l'école ou au bureau. Donc, bon, je sais qu'à Trois-Rivières, vous n'avez pas vraiment le même barème pour déterminer c'est quoi une tempête que moi en Gaspésie. Ici, il y a 2-3 flocons où tout le monde panique. Là. Je trouve ça un peu pathétique. Là. Mais bon, on va s'entendre. Une tempête, c'est une journée où tout est blanc dehors, OK? Oui. Mm-hmm. Bon. Donc, pendant une tempête, on peut passer la journée en pyjama avec un chocolat chaud, une doudou, et on n'a aucun remords de n'absolument rien faire. Parce que de toute façon, on pourrait pas rien faire. Même si on est pris en dedans. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi ma pire insatisfaction d'hiver? Je suis déjà allé à l'école, justement, puis ils ont déclaré l'école fermée, mais quand je t'ai rendu... Est-ce que t'étais allé à pied? Non, en autobus. Ah. Et l'autobus, c'est... Il s'est rendu parce qu'il était tôt, nous. Puis après ça, ils ont fait « Oh, il y a pas assez de monde. On va fermer. » Moi, je me suis déjà rendu à pied dans la tempête avec... Tu sais, tu vois rien, t'as les yeux qui collent, t'arrives là, faut comme... Ben, il y a pas d'école, retourne chez vous. C'est comme... Peux-tu dégeler un peu, s'il vous plaît, avant? On dirait que tu parles d'une anecdote de ton grand-père qui dit « Dans mon temps, quand je marchais à l'école... » Avec mon pupitre sur le dos pendant 3000. Mon petit baluchon. Ben non. Puis après une tempête, on a aussi la chance de voir des magnifiques paysages. Par exemple, les arbres qui sont chargés de neige, c'est vraiment beau. Il y a aussi le verglas. Bon, ça apporte parfois des sérieux problèmes, mais c'est très beau de voir plein de trucs givrés. Tout à fait. Mon nez. Ton nez. Tout givré. Ah, on apprécie ce moment. Ben oui. C'est les beautés de l'hiver. Ben oui. D'ailleurs, il y a plein de gens qui font la file pour voir le nez givré de Mathieu. Peut-être qu'un jour, ce sera ta bosse dans le dos. Peut-être. On fera un duo. Dans le cou. Ouais, c'est nez morveux et bosse dans le cou. Oui. C'est la nouvelle version de Melon Miel chez Bruxelles. Oui. On a quelque chose. Je la retiens. Morve gelée et bosse dans le cou. Oui. Là, on n'a pas... J'ai parlé de verglas, de poêle à bois, puis moi, ça m'a fait penser la fameuse crise du verglas en 1998. Mm-hmm. À l'époque, j'avais 10 ans, puis tout ce que j'ai connu du verglas, c'est ce qu'on voyait à la télé. Donc, étant donné que j'étais assez loin de cette réalité en Gaspésie, j'ai pas vraiment connu ça. Donc, mais à l'époque, je comprenais pas vraiment, il était où le problème de manquer d'électricité pendant aussi longtemps, puis que les gens devaient aller dans des centres d'hébergement. Parce que chez nous, on chauffait au poêle à bois. Mmh. Fait que je comprenais pas pourquoi les gens chauffaient à l'électricité. Je pensais que tout le monde chauffait au poêle à bois. Puis je trouvais ça vraiment niaiseux que les gens chauffent à l'électricité. Je trouvais ça pas pratique puis pas prévoyant. Non, des fois, t'en manques. Fait que tu peux pas consommer de même longtemps. Tu t'en rends compte que tu manques d'électricité une fois par année. Fait que tu t'achètes un poêle à bois. Faut que tu remettes les horloges à l'heure. En plus. Ah, oh, tabarouette. Moi, j'étais en plein dedans. Moi, je l'ai vécu, le verglas. Non? Combien de temps? Belle anecdote. 3 semaines. Okay. 3 semaines on quand même. On était en plein dedans, ouais, à Belle-Oeil. Rock'n'roll. Peace. Peace. Il fait un signe de peace. Mais on a chauffé au bois chez nous. Belle-Oeil, on a réussi à chauffer au bois. Mmh. Mais vous avec un foyer. Brûler une pièce. Ouais. Ouais. Ben, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Mm-hmm. Oui, pour survivre. Ben oui. Ensuite, petit bonheur de l'hiver, le temps des fêtes. Ben, quand l'hiver arrive, c'est synonyme du temps des fêtes. Tu sais, trop de bonne bouffe, la musique qui attend, l'alcool, la famille, les congés, les cadeaux. Mais je vais arrêter là, parce qu'une fois que Noël est passé, c'est vraiment chiant d'en entendre encore parler. Fait que bref, le temps des fêtes, c'est le fun du 1er décembre au 4 janvier à peu près. Mais on en a besoin. Mm-hmm. Je pense que c'est nécessaire. Mm-hmm. Et honnêtement, Noël sans neige, c'est un peu déprimant. Personnellement, bah... Ça fait bizarre. J'aurais l'impression de ne pas avoir eu de Noël. Tu sais, le passer en Floride, par exemple, je sais pas si j'aimerais vraiment Noël ça. Noël du campeur, t'es pas du genre... Ouais, mais c'est pas le vrai Noël. Non. C'est un faux Père Noël. Hein? Ben là, c'est Noël du campeur. C'est mon oncle qui fait tout ça, ouais. Ben oui. Ensuite, le temps des sucres. Ah, mon préféré! Oui, mais le temps des sucres, en théorie, en pratique aussi, c'est au printemps. Dans la plupart des régions du monde. Ah, c'est ça, mais quand il y a de la neige, je considère que c'est encore l'hiver, oui. On s'entend. Puis en passant, je trouve que l'hiver empiète beaucoup trop ses autres saisons. Elle a duré quoi, 8 mois? Genre! C'est ça. Donc, ça serait le fun, par exemple, si ça changeait du jour au lendemain. Ça serait cool, hein? Oui, d'un coup sec, t'arrives puis c'est le printemps, vraiment vrai. Non, printemps. L'été. L'été, excuse-moi. L'été. Le printemps, ça coule de partout, c'est pas agréable. Oui, Morgelé, bouche dans le cou. Morgelé, bouche dans le cou. Le... Oh. Hein? Oui, c'est là. Okay. Oh, excuse-moi, fallait que j'arrête le fond. Funny gag! Ah, le temps des sucres! Donc, pour moi, ça va toujours rester un bon souvenir. Je vous ai dit il y a quelques minutes qu'on a une érablière dans la famille. Pour moi, c'est un petit coin de paradis. Donc, on va faire le tour des érables en raquette pour ramasser l'eau d'érable, être habillé en carotté, pourquoi pas. Puis ensuite, il y en a qui le font à l'année longue, ça, avec le petit foulard en coup. Non, mais tu sais, les grosses vestes oranges avec des snaps en avant, là. Moi, je connais seulement les salopettes oranges à l'écutière. Je peux pas te dire. Non, mais c'est un peu plus orange creamsicle. Creamsicle. C'est précis comme orange. On comprend tous ce que veut dire. Tu les popsicles oranges avec la crème dedans? Ben, ouais. Ça s'appelle du creamsicle. Des creamsicles. C'était la dernière émission de la session, on s'amène des creamsicles. Ah, OK. Et j'aime même pas ça. Bah, tu me les donneras. Ouais. Pas de trop. Le plus pour moi. aller faire bouillir l'eau d'érable, dégeler à côté du poêle, c'est cool. Puis manger de la tire en avoir mal au cœur. Là, t'es biaisé parce que t'habitais, j'imagine, proche de l'érablière de tes grands-parents, fait que t'as des souvenirs que nous, on n'a pas. Ben, c'est probable. Ben, c'est sûr que c'est des souvenirs que c'est pas tout le monde qui a. Ouais. Étant donné que les érablières, il y en a un certain nombre limité. Quelques-unes par région. Je sais pas combien. Je sais pas. Ça dépend des régions aussi. Ouais, ouais. Oui, j'imagine que dans la grande métropole, c'est assez limité. Métropole trifluvienne. Mais j'ai déjà vu des gens qui avaient comme un érable sur leur terrain qui avaient décidé de percer l'arbre. J'ai deux voisins à côté de chez nous, chez mes parents, en fait, là, qui font ça. Cool. Puis je sais pas ce qu'ils font avec l'eau. Tu fais comme un centilitre de sirop. Pour vrai, là, ça en prend quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Mais je sais pas c'est quoi le rapport eau-sirop. Il faudrait vérifier ça et voir si ça vaut la peine d'entomer un arbre. Toi, est-ce que tu bois l'eau d'érable? Non. Trop fade? Non, mais oui. Mais quand t'as vu... Mon oncle faire pipi dans le pot? Non, mais quand t'as déjà vu des souris flotter dans des canisses d'eau d'érable, tu bois pas ça. Oh. Même bouilli, hein? Dégasse. Non, ben c'est ça, tu prends pas ça, tu sais. Mais tu prends pas de chance. Ouais. Fait que. Barque. Maintenant que vous avez entendu ça, vous allez probablement plus jamais boire d'eau d'érable. Non. Souris marinée à l'eau d'érable. Miam, miam. Hey, un autre bonheur incontournable de l'hiver, il n'y a pas de bibitte. Vrai, hey, c'est vrai ça. Hein? J'avais pas pensé à ça, celui-là, tu me convaincs. Oh! Quoi dire de plus? Y a-t-il quelque chose de plus désagréable qu'il y a des maringouins qui tournent autour de la tête? Des araignées? Qui sortent de la bosse de Jean-Philippe constamment. Des fourmis ou pire, tu sais, les gros barbeaux, là. Ah, yak. Tu sais, ça donne un coup d'aile, entre guillemets, mais ça, on dirait que ça sait pas de quel côté ça va partir, tu sais. Fait que ça peut être dans ta face, là. Les pires. Non, yark. Mais les essais qui ont recommencé à sortir chez nous, là, genre au début du mois de mars, là, c'est quand même tôt, je trouve. On a vu les petites fourmis un petit peu. Ben, moi, j'en ai quelques-unes qui s'infiltrent à la maison. Gars, attendez donc le mois d'avril, là. Hein? Le message est-tu passé? Mais donc, tu l'auras dit. À toutes les fourmis, les araignées qui nous écoutent ce matin, restez chez vous. Puis ça, c'est pas chez nous. Donc, je sais pas si vous savez maintenant, la chronique des petits bonheurs a une section interactive. Donc, voici les petits bonheurs d'hiver de nos auditeurs. Donc, premièrement, on a Alexandre qui aime voir ses voisins essayer bêtement de sortir leur voiture de leur stationnement sans pelleter pendant une tempête. C'est chiant. Et ensuite, les regarder pelleter pendant une demi-heure pour sortir la voiture du trou dans lequel ils se sont vautrés eux-mêmes. Ah, hein? Sans le popcorn, hein? Ouais, vraiment. Puis le crème soda. Crème séquelle. Ensuite, on a Cathy qui dit aimer voir les gens tomber. Genre, vraiment. Hey, les gens sont méchants sur ton Facebook, toi. Mais... C'est exactement ma constatation. Les auditeurs de ma chronique aiment bien se payer la tête d'autrui. T'as-tu déjà regardé des fails de gens qui tombent? Ouais, j'avoue que c'est le fun. C'est quand même assez... Moi, c'est ça, tu connais pas, au moins. Non, c'est ça. T'habites pas à côté des autres. C'est drôle. Mais pour vrai, au secondaire, à un moment donné, on était dehors, c'était l'hiver, et on a vu ce qu'on appelle un BS, OK? Aller porter ses bouteilles vides. Puis là, on le regarde passer comme si de rien n'était. Et là, je parlais avec mes amis, on se disait, c'est quoi les trucs les plus drôles dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus drôle? Et on en est venu à la conclusion que c'était de voir des gens tomber. Et à la seconde où on a dit ça, l'homme qui était passé juste avant est passé devant nous de l'autre côté de la rue et a pris une débarque comme c'est pas possible sur la glace. Je peux vous dire que je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie, juste parce qu'on avait dit juste avant que c'était le truc le plus drôle au monde. Au hasard. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Ça fait partie de nos histoires. Ça vous a marqué, ouais. Lui, ça lui a laissé des marques sur les fesses. Mais lui, c'est pas grave. je ne veux pas être associé à ces commentaires disgracieux. Ah, il écoute pas. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. On sait pas. Ben, même s'il y avait une radio, il pogne pas chez eux. Non. T'es en Gaspésie. Ben oui. Ensuite, finalement, on a Pierre-Alexandre qui nous raconte qu'il adore faire du skido dans les Chic-Chocs, la superbe chaîne de montagnes qui enjolive le paysage de ma belle Gaspésie. Effectivement, je dois vous avouer que c'est quelque chose qui me manque énormément. C'est le fun de faire de la motoneige, surtout dans les paysages. Voyons, je déparle donc, hein? Dans les paysages gaspésiens. Donc, moi, je peux en venir à la conclusion que ce qui est le fun l'hiver, c'est rire des autres et être en Gaspésie. Sinon, c'est vraiment plate. Trois-Rivières, mettons que t'as pas... Je trouve bon, qu'il déneige pas vite le trottoir, moi. Ouais, c'est spécial parce que c'est pas comme si c'était une surprise qu'il y ait de la neige ici. Puis, ça serait le fun aussi qui priorise les endroits où les étudiants marchent entre l'université et les arrondissements. Ou même le campus, ça serait pas pire aussi. Aussi, ouais, aussi. Vraiment. Ouais. Entre la chasse-galerie puis le stand à taxi. Mm-hmm. Il devrait faire un chemin direct qui coupe... Tout. Un souterrain. Hey! Tu sors à côté d'un taxi, vous? Il y a pas assez de bruit de drill à l'université. Non, c'est pour te faire un peu plus. Ah, mon Dieu. Hey, ben écoute, moi, Mathieu, je continuerai en musique. Quelle excellente idée. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Donc, on irait avec un artiste qui était sur le palmarès il n'y a pas si longtemps, avec la pièce Winterfield. C'est ça. C'est pas que c'est Bad for Lashes? Bad for Lashes, dans les petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Escape in the old torchlight. Ouais, c'est déprimant, ça, l'hiver. C'est un peu triste, moi, quand on regarde ça de même. Là. Oh. Mmh. C'est Bad for Lashes ou Chauve-souris pour les sourcils, des cils. Des cils. Des cils. Sourcils. Des cils. Je me mets tout le temps des sourcils et des cils. C'est comme les coudes et les épaules. On dirait que je me mets tout le temps. Les coudes et les épaules. Mais, j'aime mieux ça. En anglais ou. Ouais. Okay. J'aime mieux ça que me mêler entre ma gauche et ma droite. Ah. Oh. Ça, là. C'est plus intelligent comme. Hey, j'ai full de misère avec ma gauche et ma droite. Ça, oh, je te ferai jamais de lift. Pourquoi? Les détours qu'on va prendre en lui disant la mauvaise direction. Donc, toujours avec Stéphanie Paradis, c'est les petits bonheurs de l'hiver. Les petits bonheurs de l'hiver. Que diriez-vous, messieurs, de poursuivre la chronique avec un petit « Saviez-vous que? » Oh! Oh! C'est comme un genre de mini « C'est un fait », mais sans le nom, parce que ça m'appartient. C'est ça. Donc, moi, ça va être un « Saviez-vous que? » OK. Original. Donc, messieurs, saviez-vous que il existe trois sortes d'hiver? Oh. Là, vous savez pas trop, je m'enligne avec ça, j'imagine. Hiver forêt, hiver de terre et hiver à boire. Une sorte de bon. Verre. Donc, en effet, il existe l'hiver astronomique, l'hiver météorologique et l'hiver calendaire. Mmh. Hein? Donc, du point de vue astronomique, dans l'hémisphère nord, l'hiver correspond à la période allant du 7 novembre au 7 février et au milieu de laquelle se situe le solstice d'hiver. Donc, le solstice d'hiver, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est le moment où le soleil est au plus bas hors de la zone intertropicale, donc généralement le 21 ou le 22 décembre, mais exceptionnellement le 20 ou le 23 décembre. Ben c'est pour ça qu'on célèbre ça souvent au lieu de Noël. T'sais, moi, j'ai tout le temps, hey, joyeux solstice d'hiver. Pour vrai. Oui, c'est une fête. Moi aussi. Ça devrait être férié. Parce que hein? C'est ma fête, pour de vrai. Le 21. Donc, toi, tu fêtes entre le 20 et le 23 décembre. Oui, tout le temps, sans arrêt. Donc, ensuite, on a du point de vue météorologique. Dans l'hémisphère nord, toujours, l'hiver correspond à la période la plus froide de l'année. Donc, il comprend les mois de décembre, janvier et février. Donc, de décembre à février, ça, c'est l'hiver météorologique. Oui. Mais nous, on utilise l'hiver calendaire, donc et le solstice d'hiver marque plutôt le début de la saison hivernale. Donc, au lieu que ce soit en plein milieu comme l'hiver astronomique. Et les dates de début et de fin de l'hiver diffèrent selon les cultures. Donc, il y en a qui vont, je pense que c'est en Russie, ils vont vraiment commencer l'hiver le 1er décembre selon l'hiver astronomique. Mais nous, on y va avec le solstice. Ça a du sens de commencer le 1er décembre. Il neige déjà souvent le 1er décembre. C'est... Moi, honnêtement, je trouve que ça serait bien... L'hiver commence un mois après que, dans le fond, l'hiver soit commencé. Non? Moi, l'astronomique, ça m'irait. Oui. Vendu, bon. On commence ça, oui. Parfait. Moi, parfait. Ben, ça me dérange pas tant que ce soit pas l'hiver et qu'il neige. Ouais. On s'en fout, dans le fond, de comment la saison s'appelle quand elle est en cours. Là. C'est comme le printemps commence super tard, là, alors qu'il fait soleil depuis un bout. Là. Oui, oui, c'est vrai. Ben, non, le printemps... Plus l'été, hein. Plus l'été. Ouais, le printemps, ça on y va, là. C'est quoi, c'est la semaine prochaine? Ça slush encore rendu au printemps. Ben, c'est le printemps, c'est, le but, c'est la saison de la slush. De la mort. Ouais, c'est ça. Juste dis ma. De la mort. Malade. Oui. Messieurs. Madame. Nous-mêmes. Saviez-vous que l'ours n'hiberne pas réellement? Non. Ça, moi, ça me fait peur. L'hibernation, OK, c'est un état d'hypothermie régulée qui permet aux animaux de conserver leur énergie pendant l'hiver. Donc, durant l'hibernation, les animaux vont ralentir leur métabolisme jusqu'à des niveaux très bas avec la température de leur corps et des taux respiratoires qui s'abaissent graduellement. Comme David, Ferron. En utilisant les réserves de graisse du corps qui ont été stockées pendant les mois actifs. Donc, contrairement aux croyances populaires, l'ours n'hiberne pas, mais il hiverne. C'est différent. Donc, l'hivernation, quant à elle, est entrecoupée de nombreux réveils et accompagnée d'une hypothermie modérée. Donc, l'hivernation n'entraîne pas une interruption de toutes les activités physiologiques. Ainsi, l'ours va donner naissance aux petits pendant l'hiver. Ah oui? Donc, les organes vitaux restent à une température normale pour réagir en cas de danger. Donc, si on se dit, hey, je vais aller en forêt l'hiver, pas de danger, les ours hibernent, faux! Vous pouvez mensonge. Vous faire manger par un ours, même l'hiver! Puis nous, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On taverne? Oh. Non! Non! En période de tavernation, j'aime ça. C'est ouais? Oui. Ensuite, saviez-vous qu'en plus de l'hibernation et l'hivernation, il existe aussi le phénomène de la torpeur, qui est un autre état hivernal, si on veut. Donc, la torpeur, ça, c'est un état physiologique qui s'arrête dès que l'air se réchauffe. C'est-à-dire que lorsque la température extérieure augmente, l'animal va réajuster sa température interne en la diminuant légèrement afin de ne pas gaspiller d'énergie pour se réchauffer. Donc, en général, les oiseaux et les chauves-souris vont connaître l'état de la torpeur. Intéressant. Et finalement, saviez-vous qu'il existe un équivalent à l'hivernation, mais pour l'été? L'hétération? Ouais. Donc, c'est l'estivation. J'allais le dire, en fait. J'allais dire esti quelque chose. Oui. Mais... l'estivation. Donc, ça, c'est adapté, par exemple, par les crocodiles du Nil qui s'enterrent dans la boue pendant la période chaude. Oh. C'est cool, hein? Très cool. C'est fun. Ben, écoute, c'est tout. Écoutez. Écoute. Oui. Hey, dude, man love. Écoute, c'est fini, man. Dude, bro. C'était tout pour ma chronique. Merci, Steph. Man. Yo. Madame Sparadis, c'était bon ta chronique? YOLO! Yo, mais pas trop. YOLO. Yo, mais pas... l'eau avec un W, genre. Ah oui! Yo! Yo, hi, low. Yo, low, and low, low, low, low. Ah, je suis allé la faire. Oh. Oui, hein? Mm-hmm. On s'en va tout le temps à la même place, tout pour moi. Oui, ouais. Tout le temps. On se quitte avec une pièce? Oui, on se quitte. Salon. Colonel Moutarde. Avec le chandelier. OK, laisse faire. Donc, on va aller écouter une pièce du groupe Save the Whale. Qui est This Winter I Retire. Oh, c'est beau. Day begins just like any other. I wake up in the comfort of all this bedroom clutter. I look outside, another gray sky. The like winter is coming early this year, and I know it's gonna be a real cold one this time. A real breakdown, takedown, cold one this time. Yeah, my old high school, just like the way I left it. Covers, it's so cold in here. Must have left the windows open. Outside, it's still snowing. Looks like winter is here, and I know it's gonna be a real cold one this time. And I know it's gonna be a real cold one. And I know. C'était Save the Whale. Je me souviens pas du titre. This winter, I retrain. I retire. C'est comme repneu. Ben, j'allais le dire. Retire. Hey, on a toutes les mêmes blagues dans la tête. Ça n'a pas d'allure. On connaît les trois. Ouais. Mais c'est David moins. Tu déteins un peu sur... je veux dire, on essaye de se péter une coupe de cellules avant de s'en venir. J'ai sniffé de l'essence. Ça paraît. C'est pour ça que je suis une bosse. Donc, Stéphanie, c'était les petits bonheurs de l'hiver. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir de vous avoir bafouillé ça ce matin. Ben, c'est bien correct. On retrouve ça, les bafouillements, bafouillages, bafouilleries, toutes les deux semaines ici à Assemblage Rocky, entre les deux. La semaine en alternance, que j'appelle, moi. Ah, mais si vous voulez, je peux vous bafouiller le Zone Campus aussi, si vous voulez. Oui, j'apprécierais. Donc, Zone Campus aux deux semaines qui ne sont pas les petits bonheurs. Donc, t'es là chaque semaine, les mercredis à 7h30. Exactement. Merci encore. Reste avec nous, évidemment, mais ben, on oui. Dit, parce ben, que oui. Bon. C'est par principe. Oui. Là, vous remarquez peut-être qu'on prend un petit peu de retard. David Ferron s'en vient tantôt, mais de toute façon, il est là pour le reste de l'émission, fait qu'on le repousse encore un peu. Ben oui. Pour parler un petit peu des soirées cachées, c'est fou, qui ont lieu ce soir. Là, là? On parle ça là. Tu vas-tu passer le plus vite possible, qu'on fait ça le plus vite possible? Ben non, mais pas plus vite possible, mais comme vous le savez, on le dévoile en exclusivité à la radio à C'est fou, 89.1. Et puis, ben, si vous avez suivi un peu cette semaine, on a essayé de faire un dévoilement. Ben, on a commencé vendredi. Pour essayer que ça mijote un peu dans la tête de tous pendant la fin de semaine. On a commencé en dévoilant la première partie qui sera Jean-François Chapdelaine et Olivier Miquelette. Miquelette, merci. C'était des participants du QTR en spectacle. Si vous voulez... Exactement, ouais. Qu'on a eu ici d'ailleurs à Assemblage Reiki, une très bonne performance, c'était assez sympathique. Donc on va les avoir en première partie. Après ça, lundi, on a eu comme information que ça serait en formule cabaret. Chose que qui va s'approprier à la personne... c'est une personne. Une personne. Et là, cabaret, le spectacle va peut-être avoir lieu parce qu'on ne sait pas encore où. Est-ce que ça a été annoncé hier, ça? Oui. Là, ça aurait pu être à la cafétéria. Ça aurait avec pu. Les cabarets. Ça aurait pu. On a fait des bons jeux de mots. Oui. On a fait des bons jeux de mots, je pense. C'était un peu déplacé comme blague hier, mais quand même. Bon, il y a eu du fun. On a crié ça sur tous les toits. Tout à fait. Puis hier, justement, on a dévoilé que c'était sur la passerelle... là, qu'on voit presque... Le pavillon de la santé, juste à côté de la chasse-galerie. Entre le santé puis la chiro, il ne faudrait pas les oublier. C'est vrai. Ça rejoint les deux. Tout à fait, tout à fait. Donc, la fameuse passerelle, quand tu sors de la chasse-galerie à ta droite, sur le campus de l'UQTR. Vous allez le voir de dehors, il va y avoir des lumières, puis ça, on va le voir là, de dehors. Ouais, ça va être malade, des feux d'artifice, puis tout. Là. Oui, oui. Des gazous. Oui, oui. Donc, c'est sur la passerelle, et puis là, je sais pas comment te l'amener comme ça. Je vais te faire des devinettes. OK. OK, donc je t'ai dit déjà, tu as un indice, c'est une seule personne. OK, donc Stevie Wonder. Non. Non. C'est un bel essai. C'est une femme. Linda... Stevie. Linda Lemay. bel essai. On salue Alain. c'est une femme... c'est une femme. Elle chante en francophone. Elle chante en francophone. Non, mais c'est parce que là, j'avais deux, trois idées. Je savais plus laquelle prendre en premier. France d'amour. Non plus. Non. Je te dirais un indice qui devrait être le coup de grâce. Si je te dis que c'est une apprentie guerrière. Sheena. Zina. Oui. À télé. Elle la chasse. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. C'est le titre de son album, Coquin. Oh, ça te dit rien. Non, je sais, non. C'est quoi. Attends un peu. Je vais essayer de trouver d'autres choses. Parce que là, c'est une mise en scène, en fait, Mathieu. Il sait c'est qui. Tu sais que c'est Fanny Bloom. La réponse était dans mon script. Fanny Bloom. Fanny bravo, Bloom. Voilà. Tu gagnes un spectacle gratuit, Mathieu Plante. Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu. Oui. Donc, ce soir, pour le plaisir de tous, évidemment, ça se passe à l'UQTR, mais tous sont invités. Oui. Vous pouvez venir de Montréal, ça vous tente, venez voir Fanny Bloom en formule solo. Ça va être excellent, elle est vraiment très, très bonne. Ça semble être une première en formule solo comme ça, là, pas de drummer, rien, donc elle est seule avec son piano. D'où la formule cabaret qui va être assez intéressante. Les petites tables... On va être assis, des petites tables rondes, ça va être le fun, ça va être super intime. Wow. Donc voilà, elle va arriver d'ici peu incessamment. À l'UQTR. Donc ouais. Ça commence à 22h, c'est sur la passerelle. On va encore avoir de la bière sur place. Ah. Et puis une première partie de feu et Fanny Bloom va aussi être en feu. Tout va être excellent. Wow, donc, je sens que ça va être une belle soirée. Ouais, je pense que oui. Wow. Ouais, je pense que oui. On va être là, on va tous être là. Ben c'est certain. Steph, oui. Hein? Crime, ouais. Moi aussi, je vais être là. J'espère. Ben oui. Donc, c'est une invitation, c'est gratuit. 22h, on a une page Facebook. Là, je me tromperai pas cette fois-ci. C'est Soirée cachée, c'est fou. On a aussi un Twitter, Soirée, c'est fou. Et puis, vous écoutez le 89.1 pour les exclusivités. Il va en avoir d'autres durant la session, mais pour l'instant, c'est Fanny Bloom aujourd'hui, le 13 mars. Et on s'en va l'entendre tout de suite avec une excellente, excellente pièce. Cette pièce-là est comme parfaite, parfaite. Wow! Après avoir inséré Twitter, comme je t'ai demandé. Je suis dotable. T'es vraiment bon. Wow. Fanny Bloom, Assemblage Rock. Restez là, David Ferron, sans mieux. C'était Fanny Bloom et la pièce Parfait, Parfait à Assemblage Rocky. C'est ici qu'on se quitte quelques minutes. Tant qu'à repousser David de 15 minutes à la date, 19 même. On va le repousser d'un autre 5 parce qu'on a l'info campus et la publicité de 8 heures à entendre. C'est si repoussant que ça. Ça ressemble à ça. Hein? Ça la donne de même. On a plein de choses à faire le mercredi. T'as bien qu'à venir mardi, il n'y avait personne ici. Il n'y a personne le mardi, ces temps-ci. Assume les conséquences de tes choix, c'est ça. C'est ça, Fanny Blum. On rappelle, les soirées cachées, c'est ce soir, 22h, à la passerelle entre le pavillon de la santé et le pavillon de la Chiro. Oui! Et on se retrouve tantôt. Oui, première partie, rapidement, Jean-François Chapdelaine, Olivier... Miquette. J'étais vraiment triste, mais à chaque fois, j'ai des chiclettes. Puis à chaque fois, je suis comme, hey, c'est pas ça, ça ressemble. Mais si tu veux qu'on continue à t'aider, mets-nous pas chiclette dans la tête. Ah, je m'excuse. Mais en passant, il y a un trio de chanteuses ontariennes qui s'appelle les Chiclettes. Les Chiclettes? Ouais. C'est-tu bon? Oui, oui, c'est excellent. Je les ai vus live et vraiment, ils reprennent du Brel, mais de manière vraiment fantastique. Mm-hmm. Peut-être pas à faire ta chronique plus tôt en annonçant des choses comme ça. Ça fait quoi? On vient de perdre 30 secondes. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Oh. Merci d'avoir bien tout. Je ne sais quoi dire. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, retour, c'est ce qu'on appelle normalement la deuxième heure à l'Assemblage Rocky, mais qu'on appellera aujourd'hui les 35 dernières minutes. Mais non les moindres. Mais non les moindres. On est ce mercredi 13 mars 2013 et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, l'autre, là, c'est Mathieu Plante. T'as-tu remarqué que 13 du 3-13, là, tout des 1 et des 3. Hein? Non? OK. Il y a zéro. Rabat-joie, Stéphanie Paradis, rabat-joie en chef. Merci. Jean-Philippe Chabalot, Mathieu Plante. David Ferron vient d'arriver. C'est pas David, c'est Gustave. Ah, je le reconnais jamais, c'est à cause de la moustache. Moi, on dit que c'est mêlant, cette affaire-là. Hein? Avec la moustache givrée, tu la remarques pas qu'elle est givrée ce matin, juste pour toi, Stéphanie et Jean-Philippe. Morveuse, boiteuse. Moi, je me demande qu'est-ce qui est le plus visqueux entre la moustache à Gustave et la bosse à Jean-Philippe. Ma bosse, soit dit en passant, qui perd du volume. Ah, au fur et à mesure que l'émission avance. Ouais. Wow. À part de son coup. Contenu. Pardon? À coule-tu à part de son contenu? Ou... Je sais pas, mais j'enfle des pieds. Ah. Si tu pèses dessus, peut-être qu'elle va descendre. Oui, c'est ça. Comment? OK. Donc, David Ferron, c'est le moment de mettre la langue sur la bosse de Jean-Philippe. Oups, je veux dire la langue dans ton oreille. Gustave, excuse-moi. Coudonc, c'est dur. Gustave. Gustave de la fenêtre! Ou la fenêtre! Gustave de la fenêtre! Oui! Il a la voix grave ce matin, mais qu'a-t-il mangé? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être des toasts sur une poêle? Toast sur une poêle? Oui. Ça se mange mal, une poêle. C'est solide, je trouve. Pour vrai? Oui. Ah, c'est pour ça que j'ai mal aux dents. Ça explique. C'est la fonte. C'est la fonte de la faute. La faute de la fonte. Oui. Mais... Donc, Gustave, qui est le frère siamois de David Ferron, qu'on suit d'habitude pour cette chronique-là, et qui s'incruste aujourd'hui, se nous a forcé à l'accepter dans le studio. Je le sais, mais David en avait assez d'être repoussé, alors il pleure en coin, en petite boule. Mais il est repoussé depuis un bon 27 minutes, que ça fait sa chronique qui est supposée être à 8h, il est 8h27. Voyons, non, c'est quoi l'affaire? Bon, on garde le meilleur pour la fin. C'est ça, exactement. Tout à fait. Oui, mais David a décidé de pleurer son sort, alors je le remplace et ça me fait très plaisir. Tant mieux. De quoi tu nous parles, Gustave, ce matin? Bien, vous savez, certains artistes ou certains auditeurs me confient leurs problèmes personnels et j'essaie de les aider du mieux que je peux à travers mon courrier du tympan. C'est comme le courrier du cœur, mais version... Du cœur? Oui. D'accord. Parce que j'ai un grand cœur. Vous savez, j'ai l'air insensible parce que je massacre tout le temps David. Mais, mis à part lui qui est l'exception à la règle, j'ai un très grand cœur que je veux vous partager. Ouvre-le. Oui, ça me fait plaisir. Attendez, non, je peux pas, j'ai pas mon couteau. Non. Je ne peux pas me scalper le cœur. Super. Alors, j'ai deux exemples de lettres que je vais vous lire. D'accord. D'abord, la première. Eh bien, cher Gustave, je suis amèrement déçu. Je croyais compter sur C'est fou pour diffuser mes chansons. Pourtant, j'ai essayé de présenter 4 personnes à la fois pour avoir 4 fois plus de chances d'être diffusé. Pourtant, on me boude comme si ce que je faisais était minable. Gustave, que me conseilles-tu de faire pour que C'est Fou diffuse une de mes chansons et s'est signé à? Tu tiens beaucoup avec David, hein, tu prends son accent avec le temps. Alors, on tient tous ensemble. On est fait le détente sur moi. Quelle tristesse. Mes chers A. D'abord, le A. Est-ce pour anonyme ou pour Annick? Oh non, pas encore. Tu peux prendre le micro 4. Le micro a encore décroché. C'est la faute de Gustave, aussitôt que c'est Gustave vient. Oui, je le sais. J'ai une relation difficile avec les micros, mais pour tout ce qui est fait ma lettre. Oui. Donc, cher Annick ou anonyme, je ne sais pas trop. Ce que je peux te dire, c'est d'écouter les conseils de Claude Rajotte. Je crois qu'il peut t'aider et te donner un coup de main ou un coup de pied, c'est selon. Mais sinon, tu peux toujours écouter les préoccupations de Mademoiselle K, qui semble également être passée là où tu es présentement. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. J'ai pris ma tenue de combat. Avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Bla bla bla bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Non, fais pas ça. Eh bien, c'était Mademoiselle K avec Ça me vexe. Et j'espère, Annick ou Anonyme ou Anonybus ou je sais trop quoi, j'espère que cette chanson va t'aider dans ton âme. Ouais, ton âme. Donc, on parle toujours avec Gustave Lafenêtre, qui est, on le rappelle, le frère de David Ferron, qu'on reçoit d'habitude dans cette case horaire-ci. Et il répond au courrier du tympan de Gustave. Exactement. C'est comme le courrier du cœur de Louise et Châtelet, mais vous savez, quand je regarde Louise et Châtelet à la télévision, je fais comme « Ah, oh, she's so beautiful, she's my idol! » Alors, je suis en pamoisson quand je vois Louise. Oh. Loulou, j'espère que tu m'écoutes. Je te dédie ma chronique. Alors, oh, wow. J'ai une deuxième lettre, mais le problème avec la deuxième lettre, j'ai comme l'impression de regarder une lettre en forme de hiéroglyphe. Hiéroglyphes. Oui, des griffes préhistoriques. C'est un chat qui est passé par là. Okay. Non, parce que ça me griffe jusqu'au sang, cette lettre-là. Ah. Ça me saigne les yeux. Donc, j'essaie de vous la lire. Je vais essayer. Donc, quand je dis j'essaye, j'essaie. Bonne chance. Donc, cher Gustave, je trouve genre que C'est fou diffuse pas assez de zik électro. Pourtant, ça pointe d'un radio normaux. Mais c'est quoi cet accent? C'est comme si tu descendais directement du singe. Mon frère David peut bien avoir l'accent québécois, ça explique tout. Bon, okay. J'ai essayé, mais là, c'est insupportable. Les gratteux de git pis les tabards de grano, ça fait ch. Je dirais pas le mot. Tu sais, peux-tu avoir du fun dans la vie? C'est ça la lettre, hein? Oui. Ok. Je c'est sais signé pas. Par un chiffre ou des. Mike D. Mike D. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, quel. J'ai mal à la tête. Quelqu'un a des pilules contre les maux de tête? Non, pas avec moi, désolé. Moi, j'ai une bosse pleine de quelque chose. Oui, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est peut-être un remède. La morphine? Ah, sur tout. Un remède à tout, les voilà. Mots. Tout est bon pour essayer. Cette lettre-là est tellement désespérante que je suis prêt à tout. Mm-hmm. Oh! C'est, le regard venait avec et... J'ai peur. Eh bien, quoi répondre à Mike? Dis. Je ne suis pas raciste, Mike D, mais les gens avec la peau orange. Mais comme je me prends pour Dieu et qu'il faut aider son prochain, je vais faire mon cato ce matin. Bon, tu trouves qu'il y a trop de diversité musicale assez fou, puisque tu n'es pas habitué d'entendre du folk, du punk, du rap, du jazz, de la musique du monde, de la musique classique, etc. et etc. Mais pour te montrer notre ouverture d'esprit envers toi, Mike D, voici de la musique électro qui ne se prend pas au sérieux. J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez danser les gens. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Demande qui a coupé, ils commencent à m'encercler. Et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore. Regardez danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. Oh, oh, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. We'll be right back. C'était Philippe Catherine avec Luxor J'adore, dédié à Mike D. Là, est-ce que je parle à Gustave ou à David? Ben là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est rendu David. Là. Ben oui. Ben, Gustave est parti, mais qu'est-ce qui se passe? Ben parti. Gustave, une fois qu'il a lu ses lettres, il se dit, bon, j'ai plus rien à faire, donc je redonne la place à David. Pas besoin de politesse, pas besoin de dire au revoir, merci de m'avoir reçu, rien. C'est un gars de même. Ouais. Ouais, Gustave c'est se bête. Prend pour Dieu, fait que... Ouais. En tout cas. Mais bonjour, David. Hein? Ben, rebonjour. Ça va? Non, vous m'avez repoussé pendant une demi-heure. Ben oui, mais là, Colin, au moins, on te laisse l'affaire, ta chronique, on est déjà bien fin. Hein? Ah, c'est ça, c'est comme quand... Dans le fond, je comprends bien, quand ouais. Toi, tu me laisses faire ma chronique, t'es déduit d'impôt. Voilà, déduit d'impôt, oui, tout à fait. Déduit d'impôt. Mais là, franchement, est-ce que ça aurait été plus poli de couper ma chronique en deux ouais. pour t'insérer? Tu sais? Parce que c'est normal, dans une émission de même, les heures sont approximatives, il n'y a pas de contrat de signer. Là. Tu le fais quand on te dit de le faire. Hey, moi, là, à 7h50, je prends mon tour du côté droit. Okay. Pas à gauche, du côté droit, sinon ça me défroque durant la journée entière. Après ça, à 7h55 et 48e millième de seconde, okay. Je mets mes bas. OK. Très important, mais par le haut. Quelle couleur de bas? Par le haut? Brun. Brun le lundi, violet le mardi, le mercredi, c'est cramoisi. Non, je blague. Mais c'est non, celle de lundi, finalement, que tu remets. Le mercredi. Ouais. Mercredi, moisi. Non, j'exagère n'importe quoi, mais non, vu que c'est à cause de Stéphanie, c'est toujours correct. En fait, c'est à cause de moi et ensuite à cause de Stéphanie. Ben, ça s'empile un par-dessus l'autre, puis après ça, on a parlé de Fanny Bloom, ça a rajouté, fait que la pile se rempire. Non, fait que finalement, on est comme les trois responsables de ton retard. Vraiment. Non, mais on s'en fout, c'est bon. Si tu travailles d'équipe et on fait une bonne émission de radio, fait que plainte ou pas. Je vous pardonne. Yeah. Parfait. Je suis musique. Hey, je dépare le matin. Moisi, encore... moisi. Cramoisi. Ah non, c'est correct. Ici, c'est Pepsi. Hein? Pepsi Cola. Kiki. Quoi? Ça n'a pas rapport. Titi? Non. OK. Ben, bonjour tout le monde. Mon nom est David Ferron et je suis chroniqueur pour La langue dans ton oreille. Et désolé. Mes sympathies. Mais en fait, pourquoi je suis ici, c'est que vous vous rappelez cet été, Janice avait... Ah, tu vas pas encore nous rappeler que tu avais une émission l'été passé. Hein? Oui, diffusée à tous les jeudis midi sur les ondes de CFU 89.1 FM. Coupe son micro, chanson, coupe hein? micro. Qu'est-ce que ça fait déjà quand le tapis en avant de l'OGA aspire quelqu'un, Jean-Philippe? Ah, finalement, c'est peut-être Aladdin qui nous rend visite. Ah. Il a parqué son tapis en face de la porte. Ramène les gens. Ah, je vais lui donner un ticket, mais. Il n'y a pas le droit de se stationner là. C'est pas parce que monsieur a un tapis qui peut se stationner n'importe où. Il squat tapis permis. Ben oui. Bon, voilà. On a parlé du tapis. Voilà. David? Je me sens tapissé dans un mur tout d'un coup. Mais on finira pas à 9h. Non, je le sais, mais en fait, je suis là pour présenter le nouveau, la nouvelle chanson de Janice. Parce que... c'est pas fini? Non, c'est ça, il y a d'autres choses encore, ça finit jamais. Il veut qu'on dépasse, tant qu'à ça, dans la chronique suivante aussi. Donc, Janice Plus, dont on se rappelle, parce qu'il avait eu un succès sur le palmarès, que là, j'imagine que David, tu voulais plugger le fait que c'était toi qui l'avais mis sur le palmarès. Hein? Non, pas nécessairement. Ben, je vais le faire. Donc, David Ferron avait inséré Janice Plus avec Alias sur le palmarès francophone. C'était un succès monstre, les gens ont adoré ça. Ça s'est passé live. L'insertion? Oui, exactement. Oui. J'ai plus de chronique, ça va trop. Hey, t'es pas sûr break. Que... Moi, je pense que dû aux rénovations, ils se sont trompés en pluguant le chauffage. Tu sais. C'est du gaz oui. directement. Ouais. On devrait demander à David de venir aux 3 semaines, aux 4 semaines, tu sais, peut-être. Mais là, il se tortille de façon... Il est rendu sous la table, comme un ver de terre, Steph. Yeah. Yeah. C'est peut-être David Ferron qui va sortir de la bosse que j'en fais pas dans le coup. Ah. Yeah. Je vois juste sa petite tête faire comme allez. Que de callback que personne va comprendre si vient d'arriver, mais on vous aime quand même. Voilà. Ouais. Ceci étant dit. Aïe aïe. Pire chose. De meilleur ever. On a jamais eu une pire de meilleure que ça. Non, mettez pas ça dans les meilleurs de ces fous. Je penserais pas. Non, merci. Mais bon, c'est mais quand... Mais peut-être pris en segment. Oui. Avec du montage qui fait que ta chronique va durer peut-être 5 minutes, les chansons. Quand même. Oui, on va mettre juste les chansons. C'est peut-être une bonne chose comme ça. Dans le fond, la prochaine fois, je vais arriver avec ma clé USB. Ouais. Je te dis, tiens, Mathieu, bonne journée, au revoir. Parfait. Oh. Ben non, on t'aime, on passe un bon moment ensemble. Mais présente-nous ta pièce. Oui, si vous me la laissez présenter, évidemment. Non, je blague. Mais c'est ça, c'est que Janice a sorti hier sur Internet sa nouvelle chanson qui s'appelle 8 mm. Et vraiment, soit qu'on l'aime ou soit qu'on n'aime pas cette chanson-là, mais moi, j'ai adoré. Puis, de toute façon, je suis sûr que vous allez aimer parce que c'est du dub, pas du dubstep. OK, du dub. Ouais, parce que là, tu m'as fait peur en me disant dub quelque chose. Non, là. Non, le dub, en fait, c'est une espèce de reggae. C'est une forme de reggae, mais un petit peu plus smooth, plus lent, si je dirais ça comme ça, qui est beaucoup plus sur l'ambiance, portée sur l'ambiance. C'est un reggae, mais avec un petit côté ambient, si je peux dire ça comme ça. Okay. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est plus reggae qu'une espèce de malaxeur brisé qui fonctionne pas bien. OK. Comme le dubstep. Comme le, OK, parfait. Okay, oui, oui, oui. Référence au dubstep. D'accord. Donc, on va entendre 8 mm de Janice. Tout de suite dans la chronique, la langue dans ton oreille de David Ferron. Et j'ai réussi. Oui. On va s'en remettre pendant les prochaines heures, mais t'as réussi. J'ai des bonbons d'oxygène. Les images de succès on aurait aimé fleurir ces histoires immortelles repassées vieilles dans sa durée. Ma mémoire embobine en sens inverse, mais ses voix anodines répètent sans cesse. Les choses ont une fin et rien de tout cela n'est certain. Avant que tout cela ne disparaisse, sommes-nous vraiment ici ou comme des hologrammes? Voilà ce que je me dis alors que je regarde nos images d'archives, vieux souvenirs collectionnés qu'on aimerait revivre. Visionner une succession d'images sélectionnées, rayures, ébrures, ruptures de films et on enlève. Aurions-nous pu trouver meilleure conclusion? Je ferme la parenthèse et répète sans cesse. C'était la nouvelle chanson de Janice, 8 mm, qui a permis de mettre du soleil dans cette journée grise du mois de mars. Tellement. Tellement. Oui, c'est tellement gris, mais pas un gris ensoleillé comme ton chandail. Mon chandail qui est gris et blanc en ce moment, pour ceux qui ne le voient pas à la radio. Oui, mais qui nous met du bonheur dans notre cœur. C'est pourquoi on est dans la même palette, Jean-Philippe et moi? Oui, ouais, c'est vrai. Check nos dents. Check nos dents. Palette, t'en avais. Comme dans une blague de caresse. Oui. Fanny est bleue. Bon, pourtant, d'habitude, t'as des chandails pleins de couleurs. Mais j'ai quand même un peu de blanc rayé gris sur mes manches. Mais c'est fascinant, tout ça. C'est fascinant. Puis j'ai du rouge caché. Bravo. David est en vert et on arrête la parenthèse ici. Envers et contre tous. Ouais, ce qu'elle m'en sent matin. T'as quand même réussi à rattraper l'impertinence de, en faisant une blague. Et ça a marché. Ouais, je l'ai prise au vol. Là. David, prends les notes. Centimètre de l'air. Oui. Comme ça, là. Ça. Juste la bouche qui ouvre et le son qui s'en part en même temps. T'es en train de dire que t'aimerais ça que je mette ma main dans... comme une marionnette. Je pense que c'est des filles, eux autres. Ah! Ben, je viens de te sauver, là. Tu seras une marionnette post-moderne, de bord. Bon. Merci, David. Dans deux semaines, le plus loin possible. Dans deux semaines... On te retrouve sinon la semaine entre les deux ou la semaine en alternance, on ne saura jamais le terme. Au Palmarès, c'est fou les jeudis après-midi entre 15h et 18h. Avec ta chronique branchée, le monde. Oui, en espérant que je sois moins repoussant jeudi prochain. T'es un petit peu plus sérieux le jeudi, hein? Ouais, hein? Quand même. Veston, cravate, pis tout, pis tout. C'est ça? Oui, avec la moustache, mais pas la moustache de Gustave. C'est une moustache sérieuse. On resalue Gustave qui est parti entre-temps, tantôt. On remercie Marie Melon, qui n'a pas fait présence, pas fait acte de présence aujourd'hui du tout. Non, elle a une extinction de voix. Une extinction, de voix, extinction. Ça va être en voix d'extinction? Oui, d'accord. Parce que sa voix, elle a disparu. D'accord. Ah, c'est peut-être sa bosse que j'ai dans le dos. Full circle! Merci David à l'heure de semaine pour Assemblage Requis. Ben merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, merci. Et nous, on va en profiter maintenant que David et Gustave sont partis pour faire la pub de 8h30. Pour prendre la pub de 8h30. Une chance que tu me le rappeler parce que je m'en serais vraiment pas souvenu. On revient dans deux minutes, c'est là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Requis. Maxime Bilodeau sera de retour pour parler de l'utilisation de la musique dans la pratique sportive. Le duo Jasmine Raymond-Dreville et Anne-Julie Durocher se reformera enfin pour notre plus grand plaisir. Et on parlera de politique avec François Landry, sa chronique L'Obocratie 101, c'est demain, 7h. J'ai hâte. Charpie et Jean. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. C'est très drôle, Charpie et Georges. Ouais, très bien. On parle de Charpie à rond. Je pense que vous avez compris la blague quand même, là. Maintenant, il nous reste pas beaucoup de temps à l'émission d'aujourd'hui. Vraiment pas. On va dépenser un petit peu. On est capable de marathonner. On est capable de faire ça ben vite. Un peu comme joke de cul, là. Quelque chose au lit, là. Un petit... Ouais. Pourquoi je t'ai fermé, moi? Je sais pas. Un petit quoi? Un petit quickie. Voilà. The Kinky Sexy Time. Un petit quickie. C'est David que je l'ai fermé. Mais... Excuse-moi, David. Donc, Kiki Sexy Time, c'est la chronique sœur de C'est un fait, mais sœur attachée par la fesse droite. Et on apprend des choses sexuelles. C'est pour un public averti, évidemment, mais plus ou moins averti. Okay. Ben, c'est correct, on a passé l'heure du déjeuner. Ben, une chance. Hein? Donc, certains poissons, saviez-vous que certains poissons ont des relations sexuelles orales? Pas de détails. Le camp dualisme. Qu'est-ce que c'est le camp dualisme? Ça réfère à une pratique sexuelle où l'homme expose son partenaire à d'autres gens pour leur plaisir de voyeurisme. Donc, c'est quand toi, tu vas montrer ton partenaire à quelqu'un d'autre en public pour exciter les autres. Ça s'appelle. C'est quand toi, ça t'excite que quelqu'un d'autre soit excité. Il faut-tu que ça. Y a-tu une notion de vêtement là-dedans ou c'est. C'était s'exposer, j'imagine. C'est, quand on dit s'exposer, ça veut dire montrer quelque chose de sexuel, j'imagine. J'imagine, malgré qu'il doit avoir. Tu sais, je sais pas, tu cherches la personne la plus belle possible pour te montrer avec. Il doit avoir un petit quelque chose là-dedans. Un genre aussi, de trophy mais... wife, là, ouais, mettons. C'est là. Ça. Peut-être ça. Mais bref, quand dualisme. Pour éviter de se faire manger par son partenaire sexuel, l'araignée qu'on appelle Orb Web Spider, mais le mâle de l'araignée Orb Web va détacher son engin, ok, et va finir les relations sexuelles en s'enfuyant, en essayant de c'est pas pour moi ça. Ah! Orb Web Spider, c'est bizarre. Avant l'âge de 25 ans, environ 95% des femmes américaines auront eu des relations sexuelles. Avant l'âge de 25 ans, 95%, donc l'affaire de mariage, là, c'est fini ça. Ben, mais il y en a peut-être qui se marient avant. Peut-être. Aux États-Unis, ils ont tendance à se marier Youpidou-lai-lai. Hein? C'est ça, ben, quand la famille l'impose. Là, souvent, c'est mais non, mais par croyance. C'est comme ton premier copain de la fac. Là, tu te maries avec. Là, on fait un film, puis là, traduit en France, où ils disent fac. Tu vois mes références états-uniennes. Hollywoodiennes, exactement. Sinon, les exercices de Kegel. Tu connais les Kegel? C'est quand tu fais l'exercice de dans le... En bas de sur les filles vont faire ça dans le lent. C'est les fesses, hein? C'est les fesses? Non, c'est pas les fesses. C'est l'autre place, là, en avant? Ouais, c'est ça. Ça? J'étais pas sûr. OK. Parfait. C'est... Donc, les exercices de Kegel ne sont pas que pour les femmes. Non, en fait, c'est pour ça que je me demandais, parce que c'est pas que pour les femmes. Les gars, apparemment, peuvent faire ça. J'imagine que c'est dans le en fait, c'est le muscle pelvien, je exactement, crois. C'est la petite partie qui sert à rien. Ah! Donc, mais... bref. Ça peut traiter les dysfonctions érectiles chez l'homme et ça peut aussi régler les problèmes d'éjaculation prématurée chez les hommes. Bon, serrons-nous le muscle. Ben, on pourrait tout le faire là. Un, live! 2, 3. Ça fait du bruit, hein? Un autre paraphilie, maintenant, on parle souvent de paraphilie à San Azuki, c'est des genres de trucs qui t'excitent mais qui sont comme hors normes. Le diaperism, je sais pas si en français c'est le couchisme, quelque chose comme ça, c'est lorsqu'une personne est sexuellement excitée en portant ou en utilisant des couches. Ah. Dépend des gens. Blague de couche. Est-ce que l'autre doit te changer? Comment? Est-ce que c'est ton partenaire qui change ta couche? J'imagine que ça c'est une sous-paraphilie. Merci de l'avoir dit extrêmement loin du micro pour pas qu'on l'entende. C'était un petit peu parfait. C'était loin parfait. De ouais. Micro fermé, c'est sûr qu'on n'entend pas. Là. Non, moi j'ai entendu, puis c'était parfait que ça soit fermé. Good! Bref. Est-ce que je l'explique? Non? Non. On passe à autre chose. Que, oui. Les sexologues nous disent que les hommes qui marient des nymphomanes, tu sais, genre une femme nymphomane, va souffrir, cette personne-là, le mari, va souffrir d'épuisement physique, de manque de sommeil et d'anxiété. Donc, on vous conseille pas les nymphomanes. Oh, ben, je vais faire un petit power nap. Non! Pas maintenant. Tomber en amour pour la première fois va activer une partie du cerveau qu'on associe avec la peur. Ah! Oh. Ben, ça arrive juste une fois. Ben, c'est ça. Mais tu sais, les problèmes de, tu sais, genre, d'engagement, tu sais, genre les gars qui ont peur de s'embarquer dans quelque chose, ou les filles qui ont peur. Ça, j'imagine que ça vient de là. Généralement, ça prend au moins 5 mois pour qu'un béguin, un kick, devienne de l'amour. 5 mois. Ah! En moyenne, ça prend au moins 5 mois. C'est ce qu'on nous dit. L'orignal deer, c'est ça? C'est, à chaque fois, je me le demande. Orignal, ça? Chevreuil. Chevreuil. Chair, tu vois. Comment? Chair. Chair? Oui. Comme deer. Quand t'es... mon cher chevreuil. My deer. OK, biggest loo deer. Donc, les chevreuils mâles et les zèbres ont été observés par les gens qui étudient ces choses-là, en train de se faire plaisir en frottant leur engin sur leur propre estomac. Yes. On les a observés dans la nature en train de faire ça. C'est étrange, hein? Drôle d'image. La génufellation. On dit fallation, pas fellation. Génufellation, P-H-A-L-L-A. Donc, c'est un acte sexuel où on frotte l'engin sur le genou d'une autre personne. C'est fucking ça, là! Ouais, ça, c'est un t'es pas game. Là. C'est exactement, c'est un t'es pas game. Génufellation, retenez ça. La pupille de l'œil va augmenter jusqu'à 50% lorsqu'on regarde quelqu'un qu'on aime. Ah ben oui, cool. La drogue là, dans le cerveau pis tout, là. Tellement. Là. C'est Laura qu'elle a autour. Laura. Ah, Laura. Laissez-le. Oh! T'aimes les rats. Oui. Oui, mais pourquoi? Pas quand ils sont dans des barils d'eau d'érable. Non. Yeah. Bon débarras. Oh. Ici, je peux pas vraiment. Ben, je pourrais peut-être me censurer en disant les petites balles, les petites billes dans notre champ. Bref, les petites billes ont tendance à monter lorsqu'un homme se rend proche de l'orgasme. Les nouilles? Les nouilles, non, les testicules. Donc, va monter lorsqu'un homme approche l'orgasme. Forcer les testicules à descendre en les touchant va remettre l'éjaculation plus tard. Ah! Tu vois, dans ce cas-ci, je me suis aucunement censuré, mais on comprend. C'est un peu comme à Aaron, tu sais, quand tu lèves tes bras. Là. Oui. Dans les chansons, là, put your hand in the hair like you don't care. Pareil. une coutume dans plusieurs cultures. Et pour les couples, de faire un trial marriage. Marriage, prononce ça comme il faut. Donc, un mariage d'essai, c'est comme un test drive pour voir s'ils sont sexuellement compatibles avant le vrai mariage. Donc, dans certaines cultures, un trial. C'est hey, cool! C'est un cheat code, ça. Oui, baba. Oui. De l'entrejean. Oui. Il n'y a pas ça dans l'entrejean. Non, mais mettons, c'est sur Xbox. Le bouton, mettons, G, pour le point G. Oui. Oui. OK. Ensuite, les niveaux de testostérone d'un homme vont monter par presque 50% après 5 jours sans être rendu jusqu'au bout. Sans avoir s'être rendu, voilà, sans venir. Voilà. Donc, les niveaux de testostérone de l'homme montent de 50% après 7 jours. Quand même. Donc, il faut se vider une fois de temps en temps. C'est un cycle. C'est ça. T'as bientôt, il va y avoir une application pour te le rappeler. Oui, c'est ça. Sex cycle. Il y en a quelques-uns d'osés, mais il est passé notre heure de fin d'émission. Il est passé 9h, donc on peut s'en permettre un petit peu une fois qu'on dépasse la case horaire. Donc, c'est plus nous. C'est plus nous, c'est quelqu'un d'autre. Donc, une Ruby Shower. Savez-vous ce qu'est une Ruby Shower? Oh. C'est là, ouais, c'est ça, tu veux pas vraiment savoir, mais j'explique quand même pour que les gens sachent. C'est une chronique éducative, on est à l'université ici, on est assez mature pour entendre parler des vraies choses, là, on se cachera pas. Là. Donc, une Ruby Shower, c'est quand une femme va s'agenouiller, ben, squat, tu sais, quand tu fais un squat, là, quand tu te mets. S'accroupir, bon point. Sur son ou sa partenaire pour lui faire prendre une douche de gratification sexuelle. Ça s'appelle une Ruby Shower. C'est le terme. C'est mis un malaise ici. C'est plus maintenant ma pierre précieuse préférée. Non! J'aime bien les rubis. Dans Zelda. Oui, c'est ça. Les rubis. Les physiciens disent que prendre une douche vaginale, on s'entend là-dessus, peut en fait être une mauvaise chose non. pour toi. Non, on s'entend pas. On s'entend pas, on s'entendrait là-dessus. Je regardais Steph. C'était pas évident. Donc, l'engin féminin se nettoie lui-même et prendre une douche comme ça peut souvent causer une vaginite bactérienne. Je traduis littéralement bacterial vaginosis. Qu'en fait, tu changes le pH. Oh. Et c'est pas bon de changer le pH. Donc, c'est pour ça que le pH est adapté pour contrer ce genre de problème. C'est merveilleux, ça. Uh-huh. C'est comme une piscine, finalement. Pareil. on parlait de Ruby Shower tantôt. Roman Shower, c'est une autre chose, mais ici, avec le vomi. Vomi. C'est vomir sur son partenaire pour la gratification. C'est dégueulasse. Je sais, mais j'en apprends des choses ensemble. On apprend des choses. je vais vous donner une liste de choses et vous allez me dire ce que ça a en commun, d'accord? Encore une fois, pour un public averti, c'est la chronique Kinky Sexy Time. J'aurais dû le dire plus souvent. Magazine. OK? Oui. Ampoule de lumière. OK. Barre de savon. Truc pièce de vélo. Et pot de beurre de cacahuète. Qu'est-ce que ça a en commun? Tu viens de tout te les nommer live, là? Ouais. C'est des choses qu'on a retrouvées à l'intérieur du rectum. Ah! Ouais. Une ampoule! Une ampoule! J'espère au moins que c'est des fluocompacts. C'est la grosse ampoule. Ça a l'air moins fragile aussi, le fluocompact. Une petite ampoule. On a tout entendu parler du gars avec le pot maçon dans les fesses. Eh oui, mais un pot de beurre. Un beau de beurre. Petit pot de beurre, vaut mieux que je te rie quand tu petit pot de beurre arrivera. Puis là, est-ce que l'histoire dit si c'est un fervent acheteur chez Costco, lui? Les gros pots de mayonnaise. Et ouais, le pot de beurre de peanut, est-ce qu'il y en avait encore dedans? Non, on va trop loin. Ouais. On va trop loin. Mais non, mais on veut savoir, tu sais. Faut arrêter. OK. On va trop loin. Est-ce qu'on y va avec un petit dernier? J'essaie d'en trouver un qui est moins hard pour terminer ici. Là. Ben non, allez, sois fou. Ben non, que je sois fou. Le pire. Oui, le pire. On veut le pire. Il est 9h05, on a le droit. Celui-là, il n'est pas si pire que ça. On peut se débarrasser d'une érection en retenant son souffle. Ça, je sais pas. C'est comme le hockey? Comme le hockey. Tu peux aussi, si tu bois à l'envers, de l'eau dans un mouchoir. J'essaie d'en trouver un vraiment hard, là, mais j'en trouve pas. Attends un peu. T'aurais dû en garder une coupe. Moi, j'aurais dû, mais j'ai vraiment... T'aurais dû finir avec les magazines pis tout. Bah! Magazine dans le foufi! Le foufi! Ça doit être coupant, ça fait des pepper cuts. Mais répète les noms pour voir c'est quoi les. Ben oui, mais il y avait magazine. J'ai fermé ça depuis longtemps, attends un peu. Ah. Attends un peu, j'ai fermé ça depuis longtemps. Magazine, un pot de beurre de peanut. L'ampoule. Moi, j'ai stické sur l'ampoule. C'était une barre de savon. Okay. Un pain de savon. Des morceaux de vélo. Pot de beurre d'arachide. Ah! C'est à peu près ça, je crois. Je sais pas c'était quelle partie du vélo, hein? Le guidon, genre. Ça dit bicycle tubes. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai dit partie du vélo, parce que j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais c'est pas les chambres à air, ça? Peut-être. Un pneu de bicycle. Qui c'est qui se rentre un pneu de bicycle d'infofoune? Hey! faut dire en arrière. Ben là, faut, je me trouvais pas si bien. C'était correct. Tu tortillais pas mal plus que moi, en fait, on dirait. Voilà pour la chronique Kinky Sexy Time. Ah. Ça nous a fait du bien aujourd'hui d'être aussi... Ben, on a dit des choses qui sont de la vraie vie. On est au niveau universitaire, on a le droit de dire ces choses-là, je pense. On est soulagé. On est soulagé de voir qu'on n'est pas spé. Il n'y avait rien de mal là-dedans, hein? Bon. Ouais. J'essaie de me faire rassurer par quelqu'un, mais personne ne me rassure, fait que ça devait être moi, si je suis encore traumatisé par tout ce qu'on a retrouvé là-dedans. Ouais. Là-dedans. Imaginez. Ah, ouais, ça doit être gênant. Hein, ouais, j'ai un petit problème. Mais pour vrai, tu dois tellement tout essayer pour le sortir avant de te rendre à l'hôpital. Mais oui. C'est vraiment le dernier recours d'aller à l'hôpital pour ça. Là. Mais de toute façon, rentre rien là, puis ça va régler le problème. Ah, c'est ouais. Il y en a qui sont pas capables de sortir. Non, mais il y a des trucs spécialisés, là. Ouais. Qui sont faits pour pas être obligé d'aller à l'hôpital. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Ça finit vraiment bien. On n'a pas eu le temps pour faire ce slogan vous va comme un gars, mais on remet ça la semaine prochaine. Le temps qu'on en trouve d'autres. Ben exactement, on avait une liste de 5 petits. Je pense qu'on peut en faire plus d'ici la semaine prochaine. On attend une émission où Stéphanie sera présente parce qu'on aime ses commentaires dans cette chronique-là. On remercie David Ferron. Ben, ça me fait plaisir de vous parler encore une fois ce matin. Puis on remercie Gustave qui oui, est Gustave. Merci Gustave. Évidemment, on salue Marie Melon qui était pas là aujourd'hui, mais quand même, et bien fine. Oui. Stéphanie Paradis, encore une fois, merci. De rien. Merci à toi, Jean-Philippe. De rien, ma petite boss, on s'en donne des nouvelles demain. Petite boss dans le coup qui, j'espère, aura le temps de réduire. On remercie donc vous d'avoir écouté la maison Les Requins. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, on aura Maxime Bilodeau, chronique à thématique musicale dans laquelle aucune musique ne sera jouée. C'est ce dont vous serez témoin lors de la chronique d'une foulée à l'autre. On va parler de l'utilisation de la musique dans la pratique sportive. Il sera question, entre autres, de ses effets sur les individus, de ses bénéfices sur la performance et des critères à respecter pour la choisir correctement. Donc, c'est demain à 7h30. Ensuite, Jasmine Raymond-Réville et la chronique de la GEQTR. Anne-Julie Durocher et son index. Nouvelle case horaire pour Anne-Julie, d'ailleurs. Et François Landry sera à 8h30 avec Logocratie 101. On se quitte avec une pièce de The Darkness, With a Woman. Et n'oubliez pas les soirées cachées, c'est fou ce soir. Ben oui, puis moi, j'allais dire merci, Mathieu. Plante. Plaisir. C'est à 22h au pavillon de la santé, entre le pavillon de la Kiro sur la petite passerelle avec Fanny Bloom. Excuse-moi, je pensais que t'avais fini. Oui! Non, je pensais que ça valait la peine de le répéter, que c'était Fanny Bloom. Certainement. C'est ça. Fanny Bloom, ce soir, le 13 mars. Formule cabaret, ustensiles et vaisselle jetable. Non, juste cabaret, je pense. Ouais, juste cabaret. Ça sera pas digne de la bouffe d'une cafétéria. Ça va être plus relevé que ça, je pense. Oui, ça va être un bon pain de viande. En meilleur. J'étais avec l'émission finie. Chaud. Et moite. Chaud et moite. Ah, je suis fan de l'émission d'aujourd'hui, mais en même temps... On la réécoutera. Comme un pain de viande trop sec. Eh ben, bye-bye! À demain, là! À demain!